Mickaël à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé celui-là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Eh oui, bonjour tout le monde, il est 6h23 et pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que je dis bonjour alors qu'on vient de parler pendant 20 minutes, c'est parce qu'en fait c'était le warm-up hein, de 6h à 6h20, 25 plus ou moins. Chaque matin, c'est les meilleurs moments du jour précédent tout simplement. Et en parlant de meilleurs moments, je vous rappelle également que vous pouvez dorénavant nous écouter le matin du week-end, samedi et dimanche matin. C'est avec Yolande qui pousse le replay entre 7h et 10h du mat. Comment va Julie ce matin? Ça va très très bien. Bon, ben tant mieux alors, en pleine forme, elle dit qu'elle avait mal dormi. Ben écoute, oui. Moi j'ai plutôt bien dormi hein. C'est comme je dis, c'est parce que j'ai fait du sport hier. Oui, oui, mais j'y crois pas trop. Tu as pédalé. Et oui, j'ai pédalé, exactement. Ah. Oui, j'ai quand même il a fait... chevauché sa monture. Non, j'ai quand même fait. J'ai du mal à y croire. Non, mais, mais j'en ai la preuve, j'ai fait 11 km. Oui, c'est la preuve, eh. Bah, la preuve est sur mon téléphone parce que j'ai mis le traceur GPS pour savoir combien de kilomètres j'ai fait. Bon, par contre, il a fait que les descentes. Hein, pour leur tour, il a appelé un pote pour venir le chercher. Mais ah oui, c'est ça. Ouais. Non, je crois pas. Non, j'ai vraiment tout fait de mes jambes. D'ailleurs, de ses gros cuisseaux. Tout à fait. D'ailleurs, quelqu'un peut venir toucher. C'est dur comme du béton ce matin. Ah, avec plaisir. Non, mais ça va aller. Je préfère une fille tant qu'à faire. Mais bon. T'as vu comment il est. Quelqu'un peut venir toucher et puis t'arrives. Non, ça va aller. Ouais, mais c'est pour ça que t'as invité à les épaulies de chèque en fait. Oui, exactement. Pour voilà. Toucher tes mollets. Exactement, elle verra que c'est dur comme de l'acier. Ah, oui. Écoute, j'attends de voir ça. Exactement, non mais c'est vrai. Bon, 6h25, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée moi, hier. Moi, j'ai pas fait de sport, mais si elle veut me toucher les cuisses, oui, y a pas de problème. Oui, on a bien compris, bah, t'inquiète pas. On va vite faire un petit peu de vélo pour donner D'ailleurs, il faut qu'on amène encore le vélo d'appartement pour Julie, là, elle a proposé la semaine dernière, là, se faire du vélo. Non, parce que maintenant, j'ai plus de petit déjeuner, donc ça va. T'inquiète pas, ça va revenir. T'inquiète pas, ça va revenir. Sinon, ma mère était prête à contribuer à ton bonheur. Mais en fait, non, ça va. Pas comme elle est gentille, la mère de Toff. Ouais, parce qu'elle a acheté un vélo, mais elle s'en sert pas, donc elle s'est dit tant qu'à faire que ça serve à quelqu'un. Si elle me le donne définitivement, ça va. Ah, bah ça y est, tout de suite. Ouais. Bah quoi, si elle s'en sert pas. Ouais, c'est ça. Bon, ce matin, on est là jusqu'à 9h30, comme chaque matin. Mickaël à la radio avec Alizé Polichek qui sera avec nous tout à l'heure. Donc Toff, bon, c'est pas mis sur son 31, il est habillé en costard, genre il est habillé en sac. Mais ouais, je sais qu'avec elle, j'ai aucune chance. Donc tu vois, donc autant rester naturel. Je pars perdant d'avance. Non, c'est pas que je pars pas perdant, je pars réaliste. C'est juste une des plus bonnes meufs du monde. Et bon voilà, tu vois, je veux dire, c'est pas... Ouais. J'ai pas d'argent, je suis pas beau, j'ai rien pour lui plaire. Ouais, c'est vrai, mais puis c'est peut-être le charme éventuellement, mais... Le ouais. Quoi? Je vais essayer charme. De la faire rire, je vais lui faire des petites blagues, on verra si... Ouais. Tu vois. Ah bah, c'est tout ce que j'ai pour moi, c'est l'humour. Hein, ouais. Donc... Eh bah écoute, garde-le peut-être pour toi alors. Hein. Ah oui, ça aussi. Bah, c'est peut-être mieux. Bon, les infos de Julie, ce sera tout à l'heure. Enfin, ce sera même dans 5 minutes d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure, nous aurons également la je ligne pas anti-relou. Les infos pour les faire croire que je suis intelligent. C'est ça. Ouais. La ligne anti-relou. On aura bien évidemment les infos trafic. Il y a Toff, il y a Vers chez le monde comme d'habitude évidemment. Et puis nos amis flamands aujourd'hui. Et, les amis flamands aujourd'hui, cool. Qu'est-ce que tu leur as encore fait? Ah oui, communauté française oblige. C'est la fête aujourd'hui. C'est la fête. Alors je vais les inviter. Fédération Wallonie-Bruxelles. Fédération, mais son nouveau petit nom. C'est le nouveau nom. C'est Fédération Wallonie-Bruxelles maintenant. Ah non, c'est terminé, ça va. On maintenant. Dit la fête de la Fédération Bruxelles-Wallonie. Voilà, ils se sont dit comme ça, c'est encore un peu plus long et tout, c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Mais c'est pas tout à fait officiel, puisque c'est pas dans les textes, etc. C'est toujours la fête de la communauté française. Ouais, officiellement, Oui, si. Bon, officiellement. Tu peux officiellement. Le dire encore, mais... Voilà, c'est ça. Bah, je le dis, moi. Bon, tout à l'heure, on paiera vos factures également. Sachez que, comme d'habitude, c'est le même principe. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 63-22 par SMS, vous débutez votre message par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. On relookera votre cote ou votre appartement tout à l'heure aussi. Avec l'opération Pimp Your Cot, vous allez pouvoir repartir avec plein de trucs. Ma chambre chez mes parents, ça marche ou pas? Bah, dans l'absolu, pourquoi pas, hein, faut voir. Donc, vous pouvez repartir avec le Radio Réveil, un écran plein, un lecteur DVD, une barre son, une tour iPod, aussi le micro-ondes, le mixeur, un percolateur, un four, une friteuse, un fer à repasser, un aspirateur. Et pour fêter tout ça, évidemment, un tire-bouchon électrique. Et oui, électrique, faut le préciser quand même. Hein. Ah, mais c'est ça qui est bien, c'est le truc, tu le poses dessus, ça fait. Hop, et c'est enlevé, c'est quand même vachement pratique. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire là aussi, 6322, vous débutez le message par Lenco, L-E-N-C-O. Et si vous êtes tiré au sort, vous repartez d'office avec un lecteur MP3. Voilà, tirage au sort, ce sera le 3 octobre en direct dans l'émission entre 6h et 9h30 pour remporter la totale. Voilà. Et puis les écrans plats toujours à gagner aussi cette semaine. Écrans plats avec place pour le parc Astérix aussi. Si vous répondez correctement à cette petite devinette qui colle. Enfin, oui, c'est énigme qui colle plutôt. Hein. Il aime à être montré, suivi et limité est toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde aussi. Qui est-il? En général, on le donne. Ah non, en général, on le donne après, avant plutôt, un exercice en maths par exemple. On en donne un. pour montrer aux gens comment faire. Voilà. Attends, t'as prononcé le mot maths, t'as fait bloquer. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah non, pas du tout. Ouais. Bon, attention, dur les maths. Il aime être montré, suivi et limité est toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde aussi. Qui est-il? 63-22, si vous avez la bonne réponse, c'est 1€ le message. Écran plat à gagner ou place pour le parc Astérix. Bonne chance. Et dans un instant, pour se réveiller un petit coup là. Ah oui, quand même, là on est. Ah ouais, DJ Fresh, ça va être l'ordre sur Fun Radio. On remercie Monsieur Moon d'avoir fait la prog. Ah ouais. Mais il s'est endormi dessus ou comment ça se passe? Je sais pas, mais il est en pleine forme. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. 6h30 sur Fun Radio, je vous rappelle la petite énigme qui colle de ce matin, là, des fois que vous sortiez à peine du lit. Il aime à être montré et suivi, et limité est toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde également. Qui suis-je? En général, on en donne un avant un exercice de maths, par exemple, à moins que Julie ait une autre idée, je pense pas, je sais pas. Non, moi je... Mais non. Tu connais la réponse? Et je n'ai pas écouté. Ah bah voilà, tu vois, c'est ça. Je suis en train de préparer mes infos, il est 6h30. Bah voilà, tiens, regarde. Voilà, je suis... Ah bah voilà, allez, 6h31 maintenant, l'info avec la baronne. Salut à tous, la prison de Verviers en grève. Les agents pénitentiaires se croisent les bras depuis hier 22h. Ils protestent contre les conditions financières proposées dans le cadre des détachements prévus à la suite de la fermeture de la prison de Verviers à partir du 31 octobre prochain. Les travailleurs souhaitent des garanties sur l'indemnité de séjour. Les agents souhaitent aussi une flexibilité d'horaire et des possibilités de transport pour ceux qui devront accomplir des longs trajets. Bien oui, les travailleurs vont être transférés dans d'autres prisons. Ah oui, par exemple, les syndicats souhaitent que le mouvement de grève soit le plus court possible. Aurons-nous un gouvernement dans 3 semaines? En tout cas, les négociateurs se hâtent pour être prêts pour la rentrée parlementaire le 11 octobre prochain. Les 8 se sont attaqués hier après-midi au transfert de compétences, dernier point de la réforme de l'État qui reste à discuter. Ensuite, le formateur Elodie Rupo s'est rendu en début de soirée chez le roi pour lui présenter encore un rapport intermédiaire sur sa mission. Et à la question, le roi devrait-il prendre sa retraite une fois qu'un accord sur la réforme de l'État aura été conclu? Eh bien, 80% des personnes interrogées lors d'un sondage du magazine Royal ont répondu oui, il l'aura bien mérité. Cela dit, sa succession ne sera pas si simple, car il apparaît aussi que le prince Philippe ne fait pas l'unanimité. Seuls 16% des Belges pensent que Philippe de Belgique sera le meilleur roi d'Europe. En tout cas, le souverain âgé de 77 ans semble avoir levé le pied depuis quelques mois. La dernière visite du roi Albert II remonte au début du mois de juillet. Nouvelle attaque sur des comptes bancaires sur Internet. Près de 800 000 euros ont été dérobés au mois d'août. Les attaques sur les banques en ligne se poursuivent donc. La Fédération belge du secteur financier demande aux internautes d'être vigilants durant leurs transactions en ligne. Les institutions financières belges indemnisent les consommateurs en cas de fraude, sauf si une négligence grave a été constatée. Au chapitre économique toujours, le FMI et l'Union européenne planchent sur l'extension à 2 000 milliards du Fonds de secours européen. Ce dernier pèse actuellement 440 milliards d'euros et le projet est de porter son montant à 2 000 milliards d'euros. Ce plan inclut également une restructuration de la dette grecque qui serait annulée à 50%. Ces rumeurs ont fait rebondir les marchés boursiers hier. Et puis enfin, sport football, Jos Dardenne n'est plus l'entraîneur de Charleroi. Abbas Baya, le patron du club Carolo, a décidé de s'en séparer suite aux mauvais résultats du club cette saison. Très bien, suite maintenant avec la météo à 6h33. Matinée qui débute sous la grisaille, mais le soleil va dominer le reste de la journée. On perd un petit peu de degrés par rapport à hier, mais bon, ça va, on en a quand même encore jusqu'à 24. Et toute la semaine s'annonce toujours sous le soleil et on attend même jusqu'à 27 degrés ce week-end. Ah, quand même. Non, je dis ça parce qu'il fallait qu'il y ait du soleil. Cet après-midi, il faut que j'aille faire un peu de vélo, donc ça me permet de faire ça sous la pluie, tu comprends? Oui, bien sûr. Voilà, non, je comprends, non, mais c'est vrai. Ah, bah, c'est le principal. C'est bien de commencer à faire du vélo quand l'hiver approche. Bah, et alors, c'est pas grave, hein, il fait bon, regarde. Ah oui, il est là pour l'instant. Oui. Bah oui, bah écoute, c'est toujours ça de prix. Hein. C'est tu vrai. Vois, quand je fais pas de sport, on me dit c'est pas bien. Quand j'en fais, on me dit ouais, bah c'est intelligent de commencer à ce moment-là. Tu vois, c'est pas la peine de commencer. Et tu pourrais trouver un sport en salle, par exemple. Tu vois, on est sûr que tu vas continuer durant l'hiver. Parce que là, je sens trop le truc arriver. Il y a une salle qui va ouvrir pas loin de chez moi. Donc je me dis que je me tâte. Elle devrait ouvrir en octobre. J'attends qu'ils me fassent des prix. Qu'ils viennent vers moi en me disant écoute, on te fait une année gratuite. Oui, bien sûr. Bah, écoute, je vais essayer, on verra bien. Bien sûr. Bah, qui n'essaie rien à rien. L'info en plus. Alors, savais-tu que chez les Allemands, il y a une opération de chirurgie esthétique qui est très très en vogue? Chez les Allemands? Alors, chez les hommes en particulier. Non, c'est quoi? Eh bien, ils aiment agrandir leur pénis. Ah oui, non, mais il n'y a pas que chez les Allemands, ça, à mon avis. Hein. Oui, mais en tout cas, une étude a été faite et chez les Allemands, c'est vraiment une opération qui a un franc succès. Ah ouais? Parce qu'elle intervient quand même en 7e position des interventions chirurgicales masculines. Donc après. Ah oui, quand même. Mais alors, ils s'agrandissent de combien, on sait? Alors ça, on ne sait pas, non. Ah, ça, c'est dommage. Et apparemment, ce serait un petit peu la mode pour l'instant chez les Allemands parce que c'est le rasage qui est à l'origine de ces opérations massives. Le rasage? D'après eux, le fait de se raser la zone pubienne rend les organes génitaux plus visibles. Bah forcément, oui. Et donc, plus du coup, ils disent que bah, c'est plus visible, donc ça paraît plus petit. Bah ouais. Parce qu'on a plus le nez dessus. Bah et donc, ça du dépend. Coup, ça... Ils vont l'agrandir et les Allemands donc sont très friands de ce genre d'opération. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoute, pourquoi pas hein. Bah pourquoi pas. Bah pourquoi pas. Mais pourquoi je suis pas sûr que ce soit chez les Allemands, mais bon, après, dans l'absolu, pourquoi pas. Non, mais particulièrement chez les Allemands, ça a beaucoup de succès. D'accord, ok. Tu vois, bon. Ça a de plus en plus de succès en Europe, ça c'est sûr. Ah ouais, ça, et c'est particulièrement clair. Chez les Allemands. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, info en plus qui revient tout à l'heure avec l'info tout court et la météo, ce sera à 7h. On parlera de l'infotrafic et bien évidemment de la ligne anti-relou. Ça, par contre, ce sera dans moins de 10 minutes. Et puis la réponse à la devinette qui colle, l'énigme qui colle de ce matin, il aime à être montré et suivi, et l'imité est toujours bon, il peut servir de leçon et de mise en garde également. Qui est-il? C'est un... En général, on le montre avant un exercice, que ce soit en maths ou même en gym par exemple, histoire de montrer comment ça marche. On proposait le conseil, ce n'est pas ça un problème, ce n'est pas ça non plus également. Si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas un brouillon également, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une règle, ce n'est pas un conseil, comme je viens de le dire. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Et surtout, il y a écran plat à gagner et place pour le parc Astérix. Vous choisirez l'un ou l'autre. Bonne chance tout le monde. Et à 6h36, allez, on va mettre le son du réveil à fond, hein, plus fort. Ah, il est temps de se réveiller là. Allez, on écoute DJ Fresh avec Lorder sur Fun Radio. Ça, ça fait plaisir. Un réveil surtout. Allez, bouge Julie. Oui, nickel, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Doucement, doucement. Mais on est en pleine forme. Mais oui, ok, ok, nous on est réveillés depuis au moins un minimum une heure, mais alors on se calme. Moins, alors, hein. Bon, Julie, petite voix de carabule ou on se met la deuxième là? C'est mal. Au taquet. Oh mon dieu. Bon, Alizé Poulicek qui sera notre invité tout à l'heure, ce sera vers. Ce sera tout à l'heure. Restez bien là, j'ai déjà reçu des messages de Fabrizio qui bosse à la radio, qui s'occupe des jingles, ouais, etc. Aussi, il m'a dit à quelle heure elle vient demain? Il m'a saoulé hier pour savoir. Je lui dis, mec, j'en sais rien, elle vient quand elle veut. Je dis apporte le petit déj et je te dirai l'heure. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, la réponse à la devinette qui colle là, ce n'est pas une démonstration, bien qu'on s'y approche, ce n'est pas une consigne, ce n'est pas un doigt. On comprend pas le concept du doigt d'ailleurs. Je vous répète la petite énigme qui colle. Il aime à être montré et suivi, et l'imité est toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde aussi. Qui est-il? Comme j'ai donné un indice tout à l'heure, en général on le donne avant un exercice, que ce soit mathématiques par exemple, ou même gymnastique. Voilà, par exemple, on vous donne... quelque chose pour vous montrer comment ça marche. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message, place pour le parc Astérix à gagner ou écran plat tout simplement. Bon, et d'avance, je tiens à m'excuser. Qu'est-ce par rapport à ce que Julie va dire maintenant, là, son info aujourd'hui. Quoi? Ah oui, d'accord, ok, oui. Mais voilà. Pourquoi tu t'excuses? Je sais pas, des fois que je sois dedans. Ah oui, oui, c'est possible, effectivement. Oui, il y a un sondage qui a été créé par un magazine qui cherchait à savoir qui était la personnalité la plus énervante de l'été. Voilà. Alors rassurez-vous tout de suite les garçons, vous n'êtes pas dedans parce que vous n'êtes pas assez connu. Ah, parce qu'on n'est pas assez désagréable, je vous comprends. Vous n'êtes pas assez connu pour y être. Évidemment. On n'est pas assez. Alors d'après vous, quelle était la personnalité la plus énervante cet été? Julie. Non, mais je ne suis pas non plus assez connue. Ouais, la plus énervante. Mais pour nous, tu l'es. La plus énervante. C'est garçon ou fille? Alors, c'est une fille. Elle a deux sœurs. Je crois que t'allais dire elle a deux seins. Oui, bah écoute, ouais, on est sûr pour elle. Super. Bon, dis donc, ça va. Hein. Kim Kardashian, oui, effectivement. Ah, Kim Kardashian. C'est la personnalité la plus énervante, en tout cas, de l'été. Oui, Amy Winehouse n'a eu que 28 jours en été, donc forcément. Oui. Mais bon, Kim, elle a eu son mariage et tout ce tralala autour. Bon, ça a forcément énervé les gens. Alors, juste après, vient qui? Eh bien, vient Charlie Sheen, qui nous a quand même aussi pas mal énervé. Hein. Ouais, c'est celui vrai. Qui était l'ancien acteur de Mon Oncle Charlie, qui pète un plomb pour l'instant. Mais c'est que les Ricains. Ah oui, oui, bah oui, ah, forcément, parce que c'est ceux qui sont les plus exposés, tu vois. Ouais, c'est vrai, parce que dans les Français, je pense qu'il y a aussi Vendetta, qui est bien relou. Nickel, oui, d'accord, hein. Mais ça, c'est. Est-ce qu'il n'est pas, aussi ouais, exposé le monde, que. Ah, non, bien sûr. Ne connaît pas Vendetta, ah, non, mais personne, voilà, le monde exactement. A de la chance. Et le monde et a beaucoup de chance. Et puis en plus, après, on peut retrouver Lindsay Lohan, Donald ouais, Trump, etc. Et Donald Trump dedans aussi, alors. Bah oui, trop riche, à mon avis. Ouais, je pensais ça aussi, le problème. Mais il n'est pas si riche que ça, en fait. Ouais, bon, enfin, t'inquiète pas, j'aimerais bien ne pas être aussi riche que lui. Mais en fait, en même temps, tous ceux qui sont dans le classement, ils sont très riches. Ouais. C'est pour ça qu'il nous énerve aussi. Mais pas aussi riche que certaines autres, mais par rapport à nous, par exemple. Mais, ah oui, mais c'est pas compliqué. Non, justement, je sais pas. Je crois qu'en fait, Trump, il est pas si riche que ça, justement. Ouais, bah écoute. Parce qu'en fait, il a trois divorces qui lui ont. Ah, oui, d'accord, mais ça, c'est okay. Pas ça. Et qu'il a fait. Et en fait, il a fait deux faillites qui lui ont coûté quand même un bras. D'accord. Donc, je suis pas sûr que. Je crois qu'il a beaucoup de dettes, en fait, Trump. Ah ouais, bon, c'est possible aussi. Bon, enfin, bon, voilà, comme ça, vous connaissez maintenant les personnalités les plus désagréables de cet été, tout simplement. Voilà. Bon, on revient dans quelques instants avec la ligne anti-relou, avec l'infotrafic également. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas à nous transmettre l'info pour qu'on puisse en parler dans 5 minutes. 30-44 par SMS, ce soit un problème sur la route, embouteillage, accident ou même un flash, 30-44 ou alors mikael@funradio.be. Après la violence de DJ Fresh, la douceur de Likili. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, 6h43. Bonjour tout le monde et bon réveil et bonne journée de congé à tous les étudiants. Ça faisait longtemps, tiens. Oh, ils ont de la chance. C'est clair. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 6h48 sur Fun Radio. Passons maintenant à l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Attention, la situation est dangereuse sur la 12 Anvers vers Bruxelles à hauteur de Wilrijk. La bande de droite est obstruée. C'est tout? Bah oui. Ah bon, bah ça va, très bien, parfait. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, ah bah comme je l'ai dit tout à l'heure, 30-44, vous envoyez un petit SMS et 50 centimes le message, ou alors vous faites un mail si vous avez un smartphone. C'est sur mikael@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et oui, la ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h-, 8h-, et 9h-. La ligne anti-relou, ce sont les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou, qui est donc le 0-473-86-00-13. C'est bien ça? Oui. Très bien. Mais bon. D'ailleurs, Julie le donne à tout le monde maintenant. Mais Toff le connaît très bien, le numéro d'ailleurs. je l'appelle souvent. Oui, c'est ça, il le reçoit souvent. Donc le concept, c'est qu'on met un numéro à votre disposition, les filles et les mecs aussi, enfin pour tout le monde quoi. Et donc dès que vous croisez un relou, plutôt que de lui donner votre numéro de téléphone pour qu'il puisse continuer à vous emmerder, eh ben donnez-lui le nôtre. Donc du coup, tous les matins, nous on a de quoi vous diffuser les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou. Commençons par le premier. Oui, c'était Jean-Pierre. Bah, écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais tu m'avais dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait 1h30 que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon 5e café, donc je commence un peu doucement à avoir marre. Est-ce que tu crois que on pourra se voir un jour quand même? Parce que, bon, ça commence à. Qu'il est au bord du suicide. Comment ça faire? Oui, parce que ça doit être au moins la 5e fois qu'il nous appelle. Ouais, ouais, mais oui, ouais, j'ai l'impression, oui. Non, ça va bientôt être la star du répondeur. Ouais, mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est que comme elle a donné le numéro de la ligne anti-relou, comment ils se contactent encore? Ils sont peut-être dans le même bahut alors? Ah, peut-être. Ou ils sont peut-être dans le même travail. Ah, peut-être qu'ils se croisent, oui. Ou par internet. Ouais, par internet, c'est ou sûr. Par internet, genre ouais. Facebook ou. Ouais, c'est possible. Peut-être sur un site de rencontre à la con. Non, c'est vrai. Allez, deuxième essai. Cindy. Comment est-ce qu'on va faire? Ça fait 1h30 que je t'attends méchamment. Méchamment. Et bon, méchamment. On avait dit qu'on allait se connecter via Bluetooth, c'est tout le bazar. Ah. Allez, j'ai un peu, mon petit cœur, viens un peu avec ta petite. Avec ta petite robe verte là que t'avais mis hier. Bon, et je t'attends, hein, sérieusement. En avant la musique, hein, petit chéri. Allez, t'as tout dit. En avant la musique, ma petite chérie. Oh non, mais arrêtez ça tout de suite, quoi. Oh là là, tout à l'heure, il y aura les infos avec Julie. Allez, en avant la musique, hein, petite chérie. Super. Eh oui, la classe. Allez, troisième message maintenant. Oui, bonjour, c'est José. Voilà, j'ai eu votre numéro de téléphone par Mickey, moi, on est vu. Alors, si vous voulez me téléphoner, c'est le 04. Et 475 4 en fond. Je vous remercie. J'ai eu le numéro de téléphone par mon neveu Mickey. Oui, et qui s'est bien foutu de ta gueule. Si déjà ton neveu s'appelle Mickey, la famille, franchement, mieux vaut l'éviter. Oui, effectivement. Ah bah, José et Mickey, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Bon, retour de la ligne anti-relou, ce sera dans moins d'une heure avec d'autres messages, évidemment. Ça tombe sous le sens. Et puis, bah, ce matin, encore une fois, je vous répète une dernière fois la petite énigme de ce matin. Il aime à être montré, suivi et limité, toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde également. Qui est-il? En général, on le donne avant un exercice pour montrer comment le faire. On proposait un conseil, ce n'est pas la bonne réponse. L'énoncé non plus n'est pas la bonne réponse. Un indice, ce n'est pas la bonne réponse. Bon, il y a pas mal des bonnes réponses. On fera un tirage au sort dans moins de 3 minutes, juste après le son de Licky Lee maintenant, I Follow Rivers. Et si vous voulez donner vos réponses, c'est au 6322 que ça se passe. Par SMS, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats à gagner. Écrans plats avec des places également pour le parc Astérix. Bonne chance et bon réveil tout le monde. Il est 6h52 sur Fun Radio. Le son de Licky Lee sur Fun Radio avec I Follow Rivers. Dans quelques instants, l'info va arriver évidemment avec Julie, comme chaque matin, ce sera à 7h. Et puis côté musique, qu'est-ce qui va se passer dans un petit instant également? Maroon 5 avec Christina Aguilera, ce sera Moves Like Jagger. Mais avant cela, évidemment, et ben on va faire un petit peu chier du monde. Hein, Tof, on appelle qui alors ce mais matin? Oui, bah, ce matin, c'est la fête de la communauté française. Oui, hein, c'est vrai. Et donc, on va réveiller nos amis flamands pour fêter ça avec eux. Mais tu veux leur dire quoi? Bah, que je les invite à ma grande fête en l'honneur des francophones. Mais je suis vraiment pas certain qu'ils soient ouverts et encore moins sorciers. Oh, tu sais pas. Enfin, oui, à sorciers, effectivement, c'est un petit peu. C'est pour une compliqué. Petite fête. En plus, j'ai préparé le champagne et tout, ah ça ouais. va être bien. Bon, mais allez, oui. c'est parti, on y va. Allez, on appelle où alors? Nous allons à Menin. Menin. Menin. Je sais pas comment on dit, mais à mon avis, ils disent pas Menin. Hein. À mon avis non plus. C'est la fête de la communauté française, on dit Menin. C'est vrai, on dit Menin. Allez, c'est parti. Allez, hop, on y va. Alors, ma Peter. Oui, bonjour monsieur, c'est la fête des francophones aujourd'hui, je voulais fêter ça avec vous. Oh. Mais oui, c'est la fête de la communauté française aujourd'hui. Alors je me disais qu'on pourrait fêter ça ensemble. Oui. Hein, oui. Regardez, les champagnes. Voilà, ça vous fait plaisir monsieur? Pas vraiment. Mais comment ça se fait? Enfin, c'est une grande fête. En plus, on va se réconcilier, on va avoir un gouvernement. Faut qu'on fête ça quand même. Oui. A priori. Ah oui, bah. Non. Non. On va le rappeler quand même. Je ne comprends pas qu'on va le fêter. Il avait l'air bien, on va le rappeler quand même encore. Je comprends pas, mais j'étais content, j'étais heureux. Oui, t'avais tout préparé. Allez, hop, c'est reparti. Champagne est là, les petits fours et tout. C'est vraiment dommage. Ah, il est reparti dormir là. Alors je pense qu'il ne veut plus te parler. Ouais. Je pense qu'il ne veut plus te parler. Quel salaud. We zijn er even niet. Ah ben non. Laat gerust een bericht na of bel in dringende gevallen naar het nummer 0407. Ouais, ben là il veut pas, là il veut pas, on là il veut pas. Ah, c'est dommage, ouais, dommage total, ah, dommage total. Je suis super déçu. Ah, moi ouais, j'étais bah, nous aussi. Hein, j'étais prêt à faire la fête avec lui. Bah ouais, bah écoute, et voilà bah, comment dommage. Je suis traité. Bon, on rappellera tout à l'heure. Si vous connaissez, oui. si vous avez des amis flamands, vous connaissez leur numéro et vous savez qu'ils sont plutôt de mauvais poils le matin. N'hésitez pas à nous communiquer leur numéro. Et Julie qui baille, est fatiguée. Oh là, mon Dieu, je suis claqué. Pas du tout. Mais je suis pas claqué, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, c'est une. J'imaginais simplement. Je suis en méga forme. D'accord, tant mieux. 6h58 sur Fun Radio, nous allons prendre Mathieu avec nous. Salut Matt. Salut. Comment vas-tu, Mathieu? Ça va, hein? Bon, ça va, tant mieux. Hein. Bon, t'appelles de Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles. Oh. Tu as 22 ans et tu as la réponse à l'énigme qui colle. Il aime à être montré, suivi et limité, toujours bon. Il peut servir de leçon et de mise en garde également. Qui est-il? Un exemple? Eh, c'est un exemple, exactement. Bien sûr. Tout à fait, bonne réponse. Ben voilà, ça te permet de repartir avec un écran plat ou alors avec deux places pour le parc Astérix. Tu vas gérer ça au standard. Voilà, Mathieu. Bon, ben, t'as prévu quoi pour ta journée aujourd'hui? Tu vas travailler? Ben, ouais, on va travailler. Hein. Ah, tu fais quoi dans la vie? Plombier. Ah, un escroc. Ah, ça gagne bien, ça. Ah oui, c'est normal. Ça gagne bien. C'est tous les moteurs, c'est tous les métiers comme mécanicien, électricien, plombier, tout ça, c'est des voleurs. Garagiste aussi, t'as oublié. Ouais, bah ouais, mécanicien, garagiste, ouais, carrossier, tout ça. Ouais. Parce que c'est tous les métiers où le mec il dit, bah on va remplacer ça et ça, vous savez, c'est important, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ah ouais, on peut pas leur dire non. Tu peux pas leur dire non. T'appelles le plombier pour une petite fuite, tu repars avec un nouveau chauffe-eau. Voilà, c'est ça, ouais. C'est clair. Bon, bah merci Mathieu, reste au standard, ok? Ouais, bonne journée. Allez, bonne journée à toi également. Ouais. On remet le couvert dans un petit instant avec une autre question qui colle. Des braqueurs marseillais ont eu une drôle de surprise après avoir braqué un fourgon blindé. Quel était le contenu du fourgon à votre avis? Si vous avez la bonne réponse, 63-22 également. Et dans un instant, eh ben, comme je vous l'ai promis, Maroon 5 avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Ça va arriver sur Fun. 7h du mat, on passe à l'info maintenant avec Julie Labaronne. Salut à tous, les gardiens de la prison de Verviers sont en grève. Ils protestent contre les conditions financières proposées dans le cadre des détachements prévus à la suite de la fermeture de la prison de Verviers à partir du 31 octobre prochain. La prison doit fermer à cause de sa vétusté et les travailleurs vont être transférés dans d'autres prisons comme Saint-Gilles ou Huy. Les agents souhaitent entre autres une flexibilité d'horaire et des possibilités de transport pour ceux et qui devront accomplir des trajets plus longs. Les syndicats souhaitent que le mouvement de grève soit le plus court possible. Aurons-nous un gouvernement dans 3 semaines? En tout cas, les négociateurs se hâtent pour être prêts pour la rentrée parlementaire le 11 octobre prochain. Les 8 se sont attaqués hier après-midi au transfert de compétences. Dernier point de la réforme de l'État qui reste à discuter. Ensuite, le formateur Elio Di Rupo s'est rendu en début de soirée chez le roi pour lui présenter encore un rapport intermédiaire sur sa mission. Nouvelle attaque sur des comptes bancaires sur Internet. Près de 800 000 euros ont été dérobés au mois d'août. Les attaques sur les banques en ligne se poursuivent donc. La Fédération belge du secteur financier demande aux internautes d'être vigilants durant leurs transactions en ligne. Les institutions financières belges indemnisent les consommateurs en cas de fraude, sauf si une négligence grave a été constatée. Les tabac stops sont pris d'assaut. L'interdiction de fumer dans les cafés semble pousser les fumeurs à mettre fin à leur addiction. À la fin de l'été, les services Tabastop ont ainsi vu les demandes d'aide augmenter de 70%, alors qu'elles étaient déjà en hausse de 40% fin juin. Actuellement, on dénombre 34 centres d'aide aux fumeurs en région wallonne. Aucun élargissement n'est pour l'instant envisagé. Le chlore détruit la fertilité. Un quart des adolescents qui ont été exposés avant l'âge de 7 ans à 125 heures de piscine chlorée affichent un indicateur de fertilité anormal. C'est sur base des résultats d'une étude d'un toxicologue à l'UCL. La cause de ce problème n'est pas le chlore lui-même, mais bien les particules qui résultent du contact du chlore avec les particules biologiques qu'amènent les nageurs, comme par exemple l'urine ou la transpiration. Les taux de ces produits diminuent si l'eau de baignade est régulièrement renouvelée. Et puis enfin, en sport football, Jos Dardenne n'est plus l'entraîneur de Charleroi. Abbas Baya, le patron du club Carolo, a décidé de s'en séparer suite aux mauvais résultats du club cette saison. Très bien, suite maintenant avec l'info météo maintenant à 7h02. La matinée débute sous la grisaille, mais le soleil va dominer le reste de la journée. Maxima entre 19 et 23 degrés. Bonne nouvelle, le reste de la semaine s'annonce toujours aussi radieux et on attend même aussi jusqu'à 27 degrés quand même, ce week-end. Quand même, sinon il y a Sophie qui avait envoyé un message pour toi, Toff, Sophie la Flamande, qui dit excellent l'appel aux Flamands. Merci, c'est pas. Voilà. On remettra le couvert tout à l'heure, ce sera vers 7h50, donc restez bien sur Fun Radio. D'autres Flamands. Mais oui, et restez bien là aussi, puisque dans 30 secondes, ce sera l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 7h04 sur Fun Radio, c'est donc l'info en plus maintenant avec Julie toujours. Alors c'est mal, c'est très mal. Les jeunes font de plus en plus l'amour sans protection. Ah oui, c'est très mal effectivement. Oui. Partout dans le monde, de plus en plus de jeunes ont des rapports sexuels non protégés selon un sondage commenté par une société pharmaceutique. Ce sondage a été réalisé dans 26 pays. Et les ados s'intéressent de moins en moins aux moyens de contraception et aux risques de maladies sexuellement transmissibles. Donc ils utilisent moins de préservatifs et moins de moyens de contraception comme la pilule par exemple. Ouais. Alors quand même en France, on a observé une hausse de 111% au cours des 3 dernières années. C'est énorme. Aux États-Unis, 39% en plus et 19% au Royaume-Uni. Donc protégez-vous. Ouais, exactement. J'ai écouté la Libre Antenne hier soir et donc il y avait Isabelle, ça s'appelait. Il y avait Sidassos. Voilà, Sidassos qui était là et la fille donc qui était là, que je crois qu'elle s'appelait Isabelle, disait que c'était la pire. Céline, voilà. Qui disait comme que ta sœur, tu devrais t'en souvenir. C'est vrai, mais j'ai pas retenu. Mais par contre, j'ai retenu un truc important qu'elle a dit, que c'était la pire période de l'épidémie, puisqu'il n'y avait jamais eu autant de cas déclarés que là ces 2 dernières années. Ouais, mais c'est parce que les gens persuadés que ça ne peut arriver qu'aux autres et qu'au final le Sida il est en déclin. Donc on a beaucoup parlé et je pense que on a tellement parlé que c'est devenu quelque chose de banal entre guillemets. Ouais, c'est fataliste quoi. Alors que ça ne l'est pas du tout et que les médicaments, oui, ils peuvent vous soigner, mais ne vous guérissent encore pas. Et c'est quand même très très dur à vivre de prendre autant de médicaments par jour pour lutter contre le sida. Mais je rappelle aussi qu'il n'y a pas que le sida comme maladie sexuellement transmissible. Exactement. Il y en a plein d'autres. Tout à fait. Oui, oui, ou alors le cancer du col de l'utérus pour les filles ou ce genre de choses. Ah, il y a plein de trucs, donc faites attention quand même. 7h05 sur Fun Radio. Je vous rappelle la petite question qui colle, même si Julie vient de plomber l'ambiance. Des braqueurs marseillais ont eu une drôle de surprise après avoir braqué un fourgon blindé. Quel était le contenu du fourgon? Ils ont réussi à le braquer, mais ils n'ont pas eu ce qu'ils pensaient en fait dedans. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous envoyez la réponse. Dans un instant, on va vous rembourser vos factures cash également. C'est comme ça chaque matin sur Fun à 7h10, 8h10 et 9h10. On vous rembourse vos factures et pour vous rembourser, eh bien, il suffit de vous inscrire au 63-22 également. Ça nous rend le message. Débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Côté musique maintenant, à 7h06, les Maroon 5, on va écouter Maroon 5, Christina Aguilera, je vais y arriver moi. Moves Like Jagger sur Fun Radio. Bonne matinée, bonne journée de congé à tous les étudiants qui nous écouteraient. On sait jamais, hein, on sait jamais. Les Maroon 5 sur Fun Radio avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et oui, c'est chaque matin sur Fun Radio. C'est comme ça que ça se passe à 7h10, 8h10 et 9h10. Fun Radio paye vos factures. Le concept est relativement simple. On appelle quelqu'un pour lui proposer de lui rembourser sa facture. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit à l'avance, évidemment, au 63-22 en débutant le message par facture. Ah oui, non, bah bien sûr. Bonjour, veux-tu qu'on te paye ta facture? Bah ça peut être bien, ouais, mais bon. 63-22, débuter le message par facture. Et on appelle maintenant pour rembourser combien, Tof? 25 euros. En petite facture. Mais bon, c'est normal, c'est le premier jour de premier appel de la matinée. Et on appelle chez qui, on ne sait pas? Non, ça on ne sait pas. Écoute, pas on verra tout bien. Savoir. Déjà, il faut que ça décroche. Et qu'elle réponde bien à la question que je vais lui poser aussi. Question relativement simple. Hein. Ah oui, non, mais ça va. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'écouter. Ah, bah là, on va rien poser comme question. 0 4 7. Bon, bah alors, peut-être du coup. Pas laisser le numéro de téléphone. Bah non, je ne laisse pas le numéro sinon de téléphone. Ce sera la nouvelle ligne anti-relou. Et oui, ça pourrait être bien, tiens. Bon. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Mais on va faire, on va faire. Raccrocher ou appuyer sur le carré pour d'autres options. Merci de votre appel. Mais. Au revoir. Oui, bonjour à toi. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais sache que tu as été tiré au sort pour qu'on te rembourse ta facture de 25 euros. C'était Fun Radio. Comme c'est dommage, tu passes à côté. Ah, c'est bien malheureux, hein. Bon, bah, tant pis. Tu peux en tout cas retenter ta chance quand tu le souhaites. N'hésite pas. Et puis, bah, la bonne chance et la bonne nouvelle pour les autres, c'est qu'ils ont plus de chances de gagner. Je vais y arriver, moi. À 8h10, puisque nous sélectionnerons que ceux qui s'inscrivent entre 7h10 et 8h10. Donc, vous avez plus de chances de gagner. Donc, 63-22, c'est un euro le message. Vous débutez le message tout simplement par, bah, par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture et qui sait, on vous appellera peut-être dans une heure. C'est une bonne nouvelle ça. Dandé Thomas, ça c'est l'autre bonne nouvelle. Bon vieux son ça, direction 1990-2000. C'est bon pour se réveiller, tu vois. Tu vois, ça c'est bien, ouais. Miss California, c'est parce que Julie elle a rêvé d'être Miss California. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, elle aurait aimé être là. J'en rêve toujours. À Malibu avec Pamela Anderson. Fait plaisir ce petit son là, Dante Thomas ce matin sur Fun Radio avec Miss California. Il est 7h15 et dans un petit instant nous jouerons petit déj service si vous voulez vous inscrire ou au Mickaël réveille la Belgique, un des deux, c'est au 30-44 que ça se passe. Débutez votre message par déj ou par réveil, voilà, si vous voulez faire l'un ou l'autre tout simplement. Allez, l'horoscope maintenant avec Doudou. Fun Radio l'horoscope. Allez, c'est parti. Comment ça va Doudou ce matin? Ah, oh, bah je vais bien moi, hein. J'ai appris qu'il y avait une petite fête ce soir. Oui, bah c'est la fête de la communauté française, mais c'est pas une raison pour picoler, Doudou, là. Vous avez déjà fait hier, ça, hein? Ah, picoler, non, mais boire un petit verre, ou deux, ou trois. Ouais, bon, enfin, on a compris, Doudou, ouais. Bon, mais non, c'est pour la fête de la langue française, c'est tout. Bah, c'est pas grave, on n'a qu'à boire des vins français. Oui, bon, laissez tomber. Bon, on va faire l'horoscope. Les béliers, Doudou. Alors, faites preuve de courage et d'assurance. D'accord. Les taureaux. Les prochains jours ne vont pas être faciles, mais vous allez surmonter tout ça, mais oui, mais oui. Bah, les gémeaux. Accordez-vous une pause bien méritée et fêtez votre succès. Les cancers. Michael a dit, on pouvait pas boire aujourd'hui. Oui, exactement. Les cancers, comme Julie. Un orage purifie l'air, mais ne perdez pas votre temps aujourd'hui avec des disputes. Les lions. Ouais, de nouveau, que de la merde. Écoute, merci, on n'y peut rien, nous, après. Hein. Non, t'es sous mauvais signe, qu'est-ce que tu dis? Non, mais je crois que ça doit doit être Doudou le marabout qui m'a jeté un sort. Ça c'est possible aussi. Pas du tout, tu as jeté le sort à toi-même. Oui, bien sûr. Par contre, je veux bien que tu fasses un petit, je sais pas, une incantation, quelque chose. Mais bien sûr, si tu veux, demain je viens avec mes Gouigoui, on fera quelque chose. Ok, ça va, merci Doudou. Allez, les lions. Problème. Alors les lions, prenez votre journée, changez-vous les idées. Les vierges. Ne cherchez pas à vider votre sac à la maison, ça pourrait finir en dispute. Les balances. Vous avez remarqué que vierge et cancer, enfin bon. Ouais, c'est vrai. Okay, ouais. Rangez votre bureau, vous y trouverez sûrement quelque chose. Les scorpions. Ne soyez pas grincheux. Les sagittaires. Allez-y maintenant, professionnellement parlant, comme dans tous les autres domaines, c'est votre jour. Les capricornes. Donnez à votre partenaire l'impression que vous êtes vraiment intéressé par ses sentiments. Les verseaux. Votre organisme n'a pas besoin de battre des records, mais plutôt d'un mélange sain entre activité et repos. Et enfin, pour finir, les poissons. Vous êtes dans une période exceptionnelle et vous allez gagner sur tous les plans. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Merci, Doudou. Pour les cancers, les vieilles. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Non, c'est bizarre. On vous retrouve tout à l'heure, Doudou. D'accord, pas problème. Dans moins d'une heure, pour un prochain horoscope. Dans un instant, nous allons parler de Koh-Lanta. Ah. Ah oui, le retour de Koh-Lanta avec Gégé la star. Oui, mais Gégé, justement. Oui, bon, enfin, on en parlera. Et on va s'écouter Cat de Luna maintenant. Cat de Luna et Fatman Scoop, c'est Drop It Low. Il est 7h18. Bonne matinée, bon réveil tout le monde. Le son de Kate de Luna avec Fatman Scoop, Drop It Low. Et un message qui est arrivé qui dit foutage de gueule, vos factures, vous copiez Manuel à la radio. Vous avez un taux de non exceptionnel et pourquoi ne pas appeler un autre? Bah, c'est la question que je me pose à chaque fois que je joue à l'Euro Million. Putain, pourquoi ils font pas un deuxième tirage quand je perds? Oui, non, mais c'est vrai quand même. Merde. Non, mais c'est pas juste. Si on rappelle directement, c'est pas juste pour les autres. Voilà. Non, mais c'est simplement qu'on fait un appel. Comme Manu faisait un appel. Et c'est pas de la copie de Manu, c'est le concept de fun. Mais pourquoi tu réponds à ça, Mickaël? Mais non, mais c'est normal. Il faut pouvoir répondre à tout le monde. Y a pas de raison. Voilà, simplement. Comme je dis, c'est le même exemple qu'à l'Euro Million. Voilà, quand je gagne pas, bah, s'y arrive régulièrement, enfin toujours. En fait, à chaque fois. Voilà, oui, c'est ça. Mais je ne joue plus à l'Euro Million maintenant. Hein. Non. Ah oui, c'est ça, bien sûr. À Win for Life. Ça fait deux semaines. Bon, pas plus, mais je perds moins par contre. Oui, bien sûr. Je gagne pas plus techniquement, évidemment. Bien sûr. Bon, 7h22 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, la réponse à la question qui colle et on vous fera une nouvelle devinette qui colle. On devrait avoir aussi le son de Ina. Dans un instant, ce sera Club Rocker et nous allons parler de Koh-Lanta maintenant. Et oui, Koh-Lanta. Attention, je mets la musique de Koh-Lanta. Attention. Ah, on est relax. Tout de suite, ça va mieux. Je avec déjà cette les plages petite relaxation. De sable fin. Oui, mais il est arrivé un drame à Koh-Lanta. Gégé a été viré de Koh-Lanta. Oui, c'est ils ont viré Gégé. Il était tellement fort, franchement, le pauvre. Attends, il avait tout fait pour réussir. Il avait même été jusqu'à apprendre à nager pour faire Koh-Lanta. Bah, c'était justement ça le problème. Eh oui, mais malheureusement. Gégé, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Mais oui, c'est dommage. Et pour sa dernière, Denis Brognard ne l'a pas épargné avec une dégustation relativement spéciale. Hein. Gégé a du mal à mâcher son œil. Cet œil, il veut l'avaler et pour l'instant, il ne passe pas. Bizarrement, l'œil ne passe pas pour l'instant. Et donc là, notre Gégé, bah, il n'a pas aimé que les autres ne finissent pas. Quand on est une parvèche qui n'est pas foutu de bouffer un œil, faut pas déconner, on n'a rien à foutre à Koh-Lanta. Voilà, on n'a rien à faire à Koh-Lanta. C'est vrai qu'on n'a pas foutu de bouffer un œil, franchement. Bah, c'est ça. Mais est-ce que tu vas manger un œil? Tous les matins, je mange un œil. Ça. Attends. Mais bon, il faut quand même le dire, c'est quand même Gégé qui s'est fait éliminer vendredi. Et c'est vraiment dommage parce que il était bien, Gégé. Je suis arrivé sur l'île. Je me suis mis en symbiose avec la nature. Je me suis pénétré dans cette île. La nuit, je dors presque pas. Je l'écoute, la nature. J'écoute l'ensemble. Ouais, il a vraiment des pratiques étranges quand même. Ouais, Gégé, hein. Mais Gégé, bon, après s'il aime être pénétré par la nature, c'est son plaisir. Laisse le faire. Mais, voilà. Mais bon, Koh-Lanta, ce n'est pas que des épreuves, où il faut repousser ses limites. C'est aussi un moment de philosophie. Ce principe, il est là. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que tu te contrefasses. Que tu fasses. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on te fasse. Voilà, donc il y a les ch'tis qui sont venus en même temps. Hein. Oui, les ch'tis, ils ont fait un mélange entre les ch'tis à Ibiza et Koh-Lanta. Bon, en tout cas, je voulais essayer les ch'tis à Koh-Lanta. C'est vrai. Serait beau, ça. En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus avant d'aller au travail. Ce principe, il est là. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que tu te contrefasses. Que tu fasses. Faudrait pas qu'on te fasse que ce que les autres n'aimeraient pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas. Ce que tu aimerais. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Ok, on va y réfléchir. Bonne méditation. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle et la question qui la réponse à la question qui colle et la nouvelle devinette qui colle. Mais en attendant, on va s'écouter le son d'Ina sur Fun Club Rocker. Le son d'Ina à l'instant sur Fun Radio, c'était Club Rocker. Comme tous les matins, on est en direct avec vous, il est 7h27. Dans un petit instant, l'info va arriver aussi, ce sera avec l'ami Julie, bien évidemment. Mais avant cela, nous allons prendre maintenant Amaury qui est avec nous. Amaury qui est là et qui a la réponse à la petite question qui colle. Salut Amaury. Salut, bonjour. Comment vas-tu Amaury? Ben, très bien. Très bon, bien. T'appelles d'où Amaury? T'es dans quelle ville? Pour le moment, je suis à Bruxelles, au bureau. D'accord, 104.7 FM pour écouter Fun Radio à Bruxelles. Tu fais quoi de la vie Amaury? Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire, la belle planque. Donc en fait tu parles à ton employeur là concrètement, à moi. Voilà, c'est très bien. Regarde, bon. Il a trop bon. Oui, je suis content, je suis patron. Bon, alors voilà. La question qui colle. Des braqueurs marseillais ont eu une drôle de surprise après avoir braqué un fourgon blindé. Quel était le contenu du fourgon? Eh bien, du linge sale. Oui, oui, oui, exactement. En fait, ils ont braqué un fourgon de linge. Bravo, les gars, quoi. Destiné à une laverie industrielle. Et le linge était sale. C'est, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'argent sale. Ah, oui, ah bah oui, surtout la connerie. Hein. Ça, voilà, ça s'est passé à 5h du matin dans un quartier du 11e arrondissement de Marseille. Et donc, ils étaient trois munis de fusils à pompe, d'armes automatiques. Ils circulaient dans une voiture super puissante. Ils ont stoppé le fourgon banalisé en espérant y trouver de l'oseille. Et les chauffeurs, ils devaient être en train de se marrer. Ouais, bande de cons, là. Et venez nous braquer. Ça c'est sûr, à mon avis ils sont laissés faire mais sans problème. Ah quoi. Ouais, vous voulez, bah, attendez, je vais vous aider. Oui hein, c'est ça, attendez, ouais. Je vais vous ouvrir la porte. Ouais. Je vais vous donner un coup de main, vous inquiétez pas. Bon ben voilà Amaury, bravo à toi, tu repars avec des cadeaux, je te renvoie au standard. Bah passe une bonne journée Amaury. Merci également. À bientôt Amaury, salut au à toi. Oui. Dans un instant l'info de Julie arrive et avant cela la petite devinette qui colle comme chaque matin. Un requin peut nous y faire penser. Un champion peut l'utiliser, mais il n'est alors pas pareil à celui que l'on a dans l'oreille. Comment? Qui est-il? Ah oui, d'accord. Un requin peut nous y faire penser, un champion peut l'utiliser, mais il n'est alors pas pareil à celui que l'on a dans l'oreille. Si je dis bricolage. Tu peux. Et okay. Aïe, j'ai mal au doigt. Ouais, et aïe, tout à fait. Non, c'est pas aïe, j'ai mal au doigt, c'est il faut, aïe mon doigt. Il faut y penser, il faut savoir qu'on a ça dans l'oreille, tu vois aussi. Oui, c'est vrai. Il faut, et après, une fois que tu sais ça, tu sais le juge. Le juge l'utilise souvent. Oui. Oui. Bah oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis pas sûr que ça porte ce nom-là. Par contre. Je sais pas, mais enfin, ça a le même. C'est, oui. En l'occurrence, le chien est en bois. On va plutôt dire bricolage. Oui, bricolage et aïe mon doigt. Voilà. Et aïe mon doigt. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats à gagner. Et dans un instant, l'info de Julie et les Bad Meat Civil également avec Lighters. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. 7h30 sur Fun Radio, on va passer maintenant à l'info avec July. Salut à tous, les gardiens de la prison de Verviers sont en grève aujourd'hui. Ils protestent contre les conditions financières proposées dans le cadre des détachements prévus à la suite de la fermeture de la prison de Verviers. À partir du 31 octobre prochain, la prison doit fermer à cause de sa vétusté et les travailleurs vont être transférés dans d'autres prisons comme par exemple Saint-Gilles ou Huy. Les agents souhaitent entre autres une flexibilité d'horaire et des possibilités de transport pour ceux qui devront accomplir des trajets plus longs. Les syndicats souhaitent que le mouvement de grève soit le plus court possible. Aurons-nous un gouvernement dans 3 semaines? En tout cas, les négociateurs se hâtent pour être prêts pour la rentrée parlementaire le 11 octobre prochain. Les 8 partis qui négocient se sont attaqués hier après-midi au transfert de compétences. Dernier point de la réforme de l'État qui reste à discuter. Ensuite, le formateur Elio Di Rupo s'est rendu en début de soirée chez le roi durant une heure pour lui présenter un rapport intermédiaire sur sa mission. Les tabastops sont pris d'assaut. L'interdiction de fumer dans les cafés semble pousser les fumeurs à mettre fin à leur addiction. À la fin de l'été, les services tabastop ont ainsi vu les demandes d'aide augmenter de 70% alors qu'elles étaient déjà en hausse de 40% fin juin. Actuellement, on dénombre 34 centre d'aide aux fumeurs en région wallonne. Aucun élargissement n'est pour l'instant envisagé. Le chlore détruit la fertilité. Un quart des adolescents qui ont été exposés avant l'âge de 7 ans à 125 heures de piscine chlorée, eh bien, ils affichent un indicateur de fertilité anormal. Sur base des résultats d'une étude d'un toxicologue à l'UCL, la cause de ce problème n'est pas le chlore lui-même, mais bien les particules qui résultent du contact du chlore avec les particules biologiques qu'amènent les nageurs, comme par exemple l'urine, la transpiration ou la salive. Les taux de ces produits diminuent si l'eau de baignade est régulièrement renouvelée. Nouvelle attaque sur des comptes bancaires sur Internet. Près de 800 000 euros ont ainsi été dérobés au mois d'août. Les attaques sur les banques en ligne se poursuivent donc. La Fédération belge du secteur financier demande aux internautes d'être vigilants durant leurs transactions en ligne. Les institutions financières belges indemnisent les consommateurs en cas de fraude, sauf si une négligence grave a été constatée. Et puis enfin, en sport football, Jos Darden n'est plus l'entraîneur de Charleroi. Abbas Bayat, le patron du club Carolo, a décidé de s'en séparer suite aux mauvais résultats du club cette saison. 7h33 sur Fun, la météo maintenant. Si la matinée débute sous la grisaille, le soleil va dominer le reste de la journée. Maxima entre 19 et 23 degrés. Et toute la semaine s'annonce sous le soleil. Ça fait plaisir. Et même 27 degrés ce week-end. Ça fait plaisir aussi. 7h33 toujours, c'est l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et toujours avec July LeBarone. Alors, il y a une opération chirurgicale chez les hommes qui fait un carton en Allemagne. Toff, est-ce que tu sais de quoi je parle ? Laisse-moi deviner, l'augmentation du sexe. Oui, exactement. Ouais, je le savais, tous des pervers. Mais vraiment. Bien sûr, tu y avais déjà pensé, c'est peut-être pour non, ça. Non, la nature m'a bien fourni, je n'ai pas pensé de ce côté-là. Quel mytho alors. Eh bien oui, les Allemands ont maintenant de gros pénis, car c'est chez eux qu'on compte le plus d'opérations pour agrandir leur attribut. Donc elle est quand même en 7e position des interventions chirurgicales masculines, donc en Allemagne. Mais pourquoi ? Eh bien, cela s'explique par le fait que les hommes, en tout cas les Allemands, se rasent de plus en plus cette région. Et d'après eux, le fait de se raser la zone pubienne, eh bien, rend les organes génitaux plus visibles, donc on a l'impression qu'ils sont plus petits. Et donc du coup, on a envie de les agrandir. D'accord, oui, mais c'est ça. Mais Toff pourrait prendre contact, et Toff pourrait devenir allemand. Oui, peut-être. Mais oui, je pense. Oui. Ah, oui. Mais oui, pourquoi pas. Mais ça peut être une très bonne idée. Venez me l'allonger. Mais oui, bien sûr. Oh là là. 7h34 sur Fun Radio. L'info revient tout à l'heure. Ce sera à 8h du mat. Et je vous rappelle la petite devinette qui colle. Écran plat ou place pour le parc Astérix à gagner. Un requin peut nous y faire penser. Un champion peut l'utiliser. Mais il n'est alors pas pareil à celui que l'on a dans l'oreille. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Et donc, écran plat ou place pour le parc Astérix est gagné. Un indice, bricolage de Julie, aille mon doigt de moi. Off, un indice Moi je dirais entre le tympan et l'enclume. Entre le tympan et l'enclume, très bien. Voilà, et donc sorte de requin également. Voilà, ça on l'avait dit évidemment dans l'énoncé. 63-22, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Il y a des mauvaises réponses qui sont arrivées bien évidemment. J'en lirai quelques-unes tout à l'heure évidemment. 63-22, c'est 1€ le message et on écoute. Bad Meat TVO. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Bad Meat Civil avec Bruno Mars à l'instant, c'était Lighters sur Fun Radio. Soyez les bienvenus, il est 7h40 et nous allons maintenant sélectionner quelqu'un qui s'est inscrit au 63-22 en débutant le message par Lenko pour relooker complètement le cote ou alors tout simplement son appartement hein, avec pas mal de cadeaux, écran plat, lecteur DVD, radio réveil, barçon, tour iPod, aussi le micro-ondes, le mixeur, le percolateur, le four, friteuse, un fer à repasser, un aspirateur et pour fêter ça bien évidemment le tire-bouchon électrique, ça tombe sous le sens. Concept est simple, inscription 24 sur 24 au 63-22 en débutant votre message par l'ENCO et on tire au sort, comme là maintenant, c'est parti, on tire au sort. Par contre ça ne téléphone pas des masses, mais on tire au sort. Oui, ça ne téléphone vraiment pas. Est-ce que tu ne sais pas Ah voilà. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Laurent. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip. C'est Florent, mais je ne suis pas sûr. Hello, welcome to my voicemail. Oh, it's available right now, but you can leave me a message after the call. Yeah, hello my friend. La, la, la. Hello Florent, this is Fun Radio. Are you fucking lost? Bon, on va la faire en français, hein. C'est pas qu'on parle pas, c'est juste que pour les autres, évidemment, on peut pas se permettre non plus. Il y a plein d'auditeurs qui parlent pas anglais. Il faut savoir que Mickaël est bilingual aussi. Yes, of course. Bon, alors on t'appelait pour Linko, on allait t'offrir ton lecteur MP3 et surtout te sélectionner pour va peut-être repartir avec la totale, le Pimp Your Cut, avec tous les cadeaux Lenko qu'on allait pouvoir te filer d'un coup là, et malheureusement tu n'as pas décroché, c'est ce qu'on appelle la lose. Ah oui, bon, c'est triste. Et bah c'est pas grave hein, pour le coup, tant pis hein, si vous voulez vous réinscrire, allez-y, on refera peut-être un tirage tout à l'heure avant 9h30. 63-22, débutez le message par Lenko tout simplement, c'est 1€ le message. 6-3-2-2, débutez votre message par Lenko, bonne chance. Dans un instant nous parlerons et ben évidemment du trafic avec July, les infos trafic, tout ce qui va pas sur les routes, les radars, tout ça, si vous trouvez quelque chose, si vous tombez sur un problème. 30-44, vous nous dites, la ligne anti-relou également, et puis je vous rappelle la petite devinette qui colle pour gagner les écrans plats ou les places pour le parc Astérix. Un requin peut nous y faire penser, un champion peut l'utiliser, mais il n'est alors pas pareil à celui que l'on a dans l'oreille. Si vous avez la bonne réponse, 63-22 également, vous débutez le message par la réponse. L'indice de Julie c'était bricolage, mon indice c'était aïe mon doigt, et l'indice de Toff entre le tympan et l'enclume. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, écran plat à gagner ou place pour le parc Astérix. Bonne chance tout le monde. Et dans un instant, restez bien là puisque c'est Sarah la belle. Sarah, en parlant de belle, nous aurons Alizé Poulicek aussi d'ici trois quarts d'heure. Voilà, Sarah et Shaggy, ce sera Champagne sur Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël à la radio. Oh, 7h46 sur Fun Radio, l'infotrafic maintenant avec Julie. Je vous rappelle la bande de droite qui est obstruée sur la 12 en Vers en direction de Bruxelles à hauteur de Wilrijk. Et puis concernant l'accident sur le 19 en Vers en direction de Bruxelles à hauteur de Contiche, eh bien la chaussée est à présent libérée. Bon, et on me signale aussi un radar sur la E19 à Halle, a priori. Voilà. Ils sont complètement cons de se mettre là à un endroit où il y a où c'est un bouchon à cette heure-ci, mais... Oui, bah ça c'est... Oui. Je sais pas. Écoutez, moi je ne cherche plus à comprendre, tant mieux, hein, j'ai envie de dire pour les automobilistes. Oui, oui, bah tant mieux, oui, c'est ça. Oui. En même temps, pour l'instant, ils peuvent prendre un petit café. Oui, oui, c'est ça qui est pratique. C'est pour ça qu'ils se mettent là, les policiers, effectivement. Ouais. Ils savent qu'ils sont tranquilles. Pas trop de travail pour le coup. Hein. Voilà, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, on en parle évidemment dans l'émission. Aidez les autres automobilistes, par exemple. 30-44, vous débutez le message avec le problème, tout simplement. C'est 50 centimes le message, que ce soit un problème, un accident, une panne ou même un radar. Ou alors, si vous avez un smartphone, c'est sur mikl@funradio.be que vous pouvez envoyer le message. Et là, au moins, ça a l'avantage d'être gratuit. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et à 7h47, nous allons maintenant nous faire le... La ligne anti-relou. J'allais dire le répondeur, mais en fait, oui, c'est un peu ça, mais c'est surtout la ligne anti-relou. C'est le répondeur des relous. C'est le répondeur des relous, exactement. Alors attention, nous avions écouté pas mal de messages tout à l'heure, évidemment, car oui, il y a beaucoup de messages sur la ligne anti-relou. Et la ligne anti-relou, c'est le 0-473-86-00-13, le numéro que vous devez connaître sur le bout des doigts, les filles. Je vous dis ça, car si un relou vous croise, il serait judicieux de connaître ce numéro sur le bout des doigts de manière à ce que le relou soit persuadé que c'est votre propre numéro. De manière à ce qu'il n'ait pas de doute, sinon il va continuer à vous faire chier, faut le savoir. Ah bah, et plus encore. Ah, il faut le savoir. Bon, alors attention, écoutons maintenant le premier message. Allô, bonsoir Fun Radio, je veux dire bonjour parce qu'on est dimanche, 18h52, j'écoute Train de New York, je vais pour passer ce petit message d'amour à tout Fun Radio parce que je vous aime tous. Oui. Je vous aime. Au revoir. Oh, ouais, merci, bah, dis donc. Bah lui, on lui a pas donné le numéro, mais par contre, il a bien fait d'être là. Ah bah, non. Il y avait que là qui pouvait appeler. Mais on le salue, ou pas. Allez, message suivant. Oui, c'était Jean-Pierre. Bah, écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais tu m'avais dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait 1h30 que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon 5e café, donc je commence un peu doucement, on a la... Est-ce que tu crois que pourra se voir un jour quand même? Parce que, bon, comment ça? Non, je pense que tu vas galérer. Ouais, bah, je pense aussi qu'il va galérer. Pendant longtemps. Hein. Et très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est un fidèle de la ligne anti-relou sans le savoir. Hein. Oui, c'est ça. Oui, il ne le sait pas encore. Il lit souvent des messages. Il n'écoute pas sa radio, c'est ça son problème. Visiblement. Troisième message, pardon. Cindy, comment est-ce qu'on va faire? Ça fait 1h30 que je t'attends méchamment. Méchamment. Et bon, puis on avait dit qu'on allait se connecter via Bluetooth, tout le bazar, tu sais quoi? Allez, j'ai un peu mon petit rire avec ta petite trompette là que t'avais mis. Mais bon, oui, et je t'attends, hein, sérieusement, on envoie la musique, un petit chéri. Allez, bien sûr. Allez, on avance la musique, hein, petit chéri. Allez, hop, eh oh. C'est là qu'on voit que le relou aussi pense que la meuf, elle s'habille tous les jours pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, elle pourra venir une deuxième fois avec sa robe verte, dit au passage. Mais enfin bon, déjà une robe verte. Bon, après, il faut voir. C'est Attends, couleurs. Il faut voir, ouais, bien c'est sûr. C'est vrai. Bon, bien sûr, tu vois Alizé Pulitschek dans une robe verte, tu seras ravi. Oui, c'est vrai. Bah, c'est mieux sans robe, hein. Ouais. Oh, du. Bah, quoi, c'est vrai. Autant appeler un chat un chat. Pas spécialement. C'est vrai que ça dépend, ça dépend, ouais. Non, mais c'est vrai, il y a des filles ou des garçons, parfois mieux vaut les voir habillés. Ouais, mais moi je me souviens de son défilé La Perla et ça me dérange pas de l'avoir. Ouais, on a bien compris, Toff aussi également. Bon, Sarah avec Shaggy, on va l'écouter dans un instant. Et en avant la musique, on aura les infos tout à l'heure avec Julie, évidemment, la baronne, ce sera dans moins de 10 minutes. Et puis la réponse à la devinette qui colle, ça c'est dans 5 minutes. Je vous la répète une dernière fois pour ceux qui débarquent, c'est pour gagner un écran plat ou alors des places pour le parc Astérix. Un requin peut nous y faire penser. Un champion peut l'utiliser, mais il n'est alors pas pareil à celui que l'on a dans l'oreille. Julie avait donné un indice tout à l'heure, bricolage. Moi, j'avais dit aïe mon doigt. Et Toff avait dit Que c'était entre le tympan et l'enclume. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde, c'est un euro le message. Et donc, comme je le disais, écran plat ou place pour le parc Astérix à gagner. 7h51 sur Fun Radio. Dans un instant, on va appeler nos amis flamands pour fêter la communauté, la fête de la communauté française. Mais oui, qu'on fête ça tous ensemble. Et oui. le temps d'écouter Sarah maintenant et Shaggy. Allez, en avant la musique, c'est Champagne. Sarah avec Champagne à l'instant, Sarah et Shaggy aussi avec Champagne. 7h54, bon réveil tout le monde. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle. Vous vous êtes inscrit au 63-22. Vous avez encore d'ailleurs un petit peu de temps. Non, même pas, c'est fini. Non, pour non, répondre terminé, à la devinette qui colle, nous allons prendre Cécile qui est avec nous maintenant. Cécile de Verviers, 105.7 pour écouter Fun Radio à Verviers. Comment ça va, Cécile? Boubou. Boubou. Comment ça va, Cécile? Cécile? Cécile a un enfant, je pense. Ah, Cécile, comment ça va, Cécile? Non, non, c'est Cécile qui est autiste. Je mets l'enfant dans la voiture, donc on risque peut-être d'entendre un peu du bruit. Oui, on l'a entendu un petit peu, mais c'est pas très grave, tu sais, Cécile. Hein. On accepte les bébés. Bon, tu as 27 ans, Cécile, et tu as la réponse à la devinette qui colle que je vais répéter. Un requin peut nous y faire penser, un champion peut l'utiliser, mais il n'est alors pas pareil à celui que l'on a dans l'oreille. Qui est-il? Un marteau. Eh oui, c'est un marteau, bonne réponse. D'où l'indice, hein, bricolage, marteau, aïe mon doigt, marteau, tout ça, quand on se tape dessus, évidemment, sur le pouce avec le doigt. Enfin, avec le marteau, plutôt, ça fait mal en règle générale. Peu de gens savent qu'ils ont un marteau dans l'oreille. Oui, c'est vrai aussi, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, bravo à toi, Cécile. Tu fais quoi dans la vie? En fait, ici, je suis à l'école, j'ai pris une formation. D'accord, ok. Eh ben, écoute. Eh ben, en français, mais c'est bien aussi, hein, quand on voit le nombre de gens qui font encore plein de fautes, hein. Oui, Julie était bien. Choquée tout à l'heure. Oui, c'est justement pour arrêter de faire des fautes. Eh ben voilà, mais c'est une très bonne chose. Tout le monde l'a bien compris que j'ai un petit peu des problèmes de voix pour le moment. C'est vrai. De temps en temps, elle me lâche. Et aucun problème. C'est dingue parce qu'elle me lâche d'un coup comme mais ça. Oui, ne me prévient pas. Oh, ça va, c'est bon. Je ça ne va, comprends ça pas va. Comment ça se fait. Ça va, ça va. Alors que j'ai arrêté de fumer depuis plus de 2 mois. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Mais j'ai fait de gros efforts. Hein. Les gars. Bon, eh bien, oh là Cécile, là. Merci d'être passée. On n'est pas soutenue. À très bientôt. Oui, il paraît que c'est sexy Cécile. D'avoir un peu la voix cassée. Vous devriez mais être contente. Hein, vous m'entendez d'ailleurs. Hein. Mais oui, un peu la voix comme ça. Mais oui, regardez ma voix. Non, pas comme ça. Hein? Non, pas comme ça. N'est-elle pas belle? Oh là là. Bon, Cécile, gros bisous. Hein. Oui, et tu reviens quand tu veux sur plus de 70 et 70 ans FM. Oui, et tu restes au standard surtout. On va prendre tes coordonnées, d'accord? Allez, au revoir, Cécile. Au revoir. C'est sympa quand même. Ok, Alex, c'est stop, les gars. Maintenant. Comment stop. Moi, je trouvais ça drôle. Hein, je ne comprends pas à quoi vous jouez. Mais bien. Bah oui, Toff. Ça me plaît. On va inviter, on va inviter les Flamands ce matin. Mais oui, à la fête de la communauté française, exactement. Allez, ben, c'est parti alors. Hein. Bon. Oui, allez, on appelle. Bon, allez, revenons à nos voix quand même. Oh mon Dieu, quelle voix. Waouh. Wow. Ouais, quel bel homme. Attends, quand on n'a plus l'habitude comme ça de s'entendre, après tout d'un coup, on se dit waouh. Mais non, mais attends, le mec, quoi. Le mec, il a un problème avec lui-même. Il s'aime beaucoup trop alors qu'il n'y a aucune raison. Pas du tout. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est un crooner. Tu vois, s'il avait été beau gosse un peu mais comme oui, ça. Mais c'est le cas. Il y aurait eu des raisons, mais ça n'est avec pas le cas. Ses non, cheveux blancs, la George Clooney. Ce n'est pas le cas. C'est dommage pourtant. C'est parce que. Mais on salue Lake Bryce ce matin qui nous écoute également. Oui, c'est ça, oui. Bon, alors on appelle donc la communauté française. Et donc, il n'y a rien qui te choque là-dedans, Toff, des Flamands, en fait, de la communauté française, tout ça, non? Non, moi je trouve que, tu sais, en cette période de conflit communautaire, pardon, il faut pouvoir s'ouvrir aux Flamands. Il faut accepter qu'ils reviennent parmi nous. Il faut leur tendre la main aux Flamands. Oui, tendre la main ou prendre la tête, hein. La frontière n'est pas loin. Oui. Enfin bon, allez, on appelle. Allez, on avait appelé à Menin tout à l'heure. Hein, on va appeler dans le haut maintenant. On va appeler à Oudelem.

renouvelée. À l'étranger, au Pakistan, au moins 30 morts dans un accident de car scolaire et des écoliers pour la plupart. Le car a quitté la route et s'est écrasé au fond d'un ravin. L'accident serait dû à une panne de frein. Et puis enfin, en sport football, Jos Dardenne n'est plus l'entraîneur de Charleroi. Abbas Bayat, le patron du club Carolo, a décidé de s'en séparer suite aux mauvais résultats du club cette saison. Et on passe maintenant à la météo. À 8h03. Si la matinée est encore un petit peu sous la grisaille, le soleil va dominer le reste de la journée. Maxima entre 19 et 23 degrés, le reste de la semaine s'annonce sous le soleil et même jusqu'à 27 degrés ce week-end. Ça fait plaisir, restez bien là puisque dans 30 secondes il y aura l'info en plus sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. Il est 8h04 sur Fun Radio, passons maintenant à cette info en plus, justement, importante d'ailleurs. Une info en plus qui fait peur, les jeunes font de plus en plus l'amour sans protection. C'est très mal. De plus en plus l'amour, c'est une bonne nouvelle, mais sans protection par contre c'est mal. Voilà, partout dans le monde, de plus en plus donc de jeunes ont des rapports sexuels non protégés. Selon donc un sondage commandé par une société pharmaceutique, sondage qui a été réalisé dans 26 pays, les ados s'intéressent de moins en moins aux préservatifs et par exemple à la pilule, donc aux moyens de contraception et donc au risque de maladies sexuellement transmissibles. Alors en France, on a observé une hausse de 111% au cours des trois dernières années. Aux États-Unis, 39% en plus et au Royaume-Uni, 19% en plus. Donc pour rappel, vous pouvez choper le sida, mais aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles auxquelles on pense un petit peu moins, comme le cancer du col de l'utérus ou ce genre de choses. Donc protégez-vous vous surtout. Vous faites pas les cons, sortez couverts. Il ne faut pas bannir voilà, tout simplement. Le préservatif. On en a beaucoup parlé ces dernières années, c'est peut-être ça qui a endormi un peu la vigilance, mais protégez-vous, c'est ultra important. Exactement, 8h05 sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, dans un instant on va rembourser vos factures au 6322. Vous débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et puis on va s'écouter le son de David Guetta maintenant avec Usher, Without You sur Fun Radio. Bonne matinée et puis bon congé également à tous les étudiants là qui sont peut-être en train de nous écouter avec le réveil qu'ils ont peut-être oublié de dérégler, tu vois. Ah oui, ça, c'est. Et un truc qui sonne, merde, je suis en congé. Eh oui. On vous rappelle que vous êtes en congé. C'est ça, profitez d'ailleurs. David Guetta sur Fun Radio avec Usher à l'instant, c'était Without You. Et dans un instant, on va se faire plaisir, puisqu'un petit Fugees va arriver, tiens, à l'ancienne. Ça va faire du bien, ça. 8h09, c'est l'heure de rembourser vos factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, chaque matin sur Fun Radio, on appelle ceux qui se sont inscrits au 6322, comme là, par exemple, une facture 2000 euros pour concrétiser le rêve. Oui, bah oui, oui, avec 2000 euros, moi aussi, j'ai plein de rêves. Ah oui, moi aussi, j'ai plein de rêves. Ah ouais, 120 euros, la porte de ma voiture. C'est ça. 121 euros, l'assurance voiture, la tristesse des rêves de Julie. Oh, ouais. 180 euros pour un découvert bancaire. 113 euros pour l'adoption d'un chien. 112 euros, mais on ne sait pas pourquoi. 100 euros pour l'éco-taxe voiture. 25 euros pour le téléphone. Ça va, c'est pas très cher, ça encore, hein, pour le téléphone. On a connu bien, bien pire. Hein. Bon, allez, on y va. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 pour le remboursement de la facture. Rassurez-vous, si vous perdez ou si vous n'avez pas été tiré au sort, on remettra le couvert tout à l'heure aussi à 9h10. On appelle et on rembourse combien ce matin ? Très, très, mais alors très. Ouais, à chaque fois que tu dis ça, c'est pour rembourser 30 centimes. 20 euros quoi. 5. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. De quoi ? C'est pas 5 euros quand même. Bah si, pourquoi pas. Non, non, bah non, 5 euros, enfin, c'est le prix du SMS. Donc, ah bah enfin, oui, j'exagère, mais bon. Hein, mais bon. Ah bah oui, mais bon, le mec il veut se faire rembourser 5 euros. Mais non, mais prends plus. Enfin bon, oui, d'accord, fais quelque chose quand même, toi. Non, mais je sais bien que c'est par hasard, mais quand même. Pas cool, hein. Bah, bon, prends plus. Allez, 90 euros. Voilà. Merci. Non, bon. Allez. Non, mais j'hallucine. Cool. C'est-à-dire que moi, le patron, il me dit fais des petites factures. Alors, je fais des petites factures. Enfin bon, ça va. Non, mais il le dit pas, mais il le fait bien comprendre en tout cas. Enfin bon. Bon, non, allez, 90 euros. Non, c'est plus sympa, 90 euros. C'est pour rembourser quoi, on ne sait pas, mais c'est pas grave. Si, hein. Une réservation de ski. Réservation de ski, d'accord. Ah ouais, bah oui, il faut y penser là. Ou pas. Bah, si. Plus tu réserves tôt, plus moins t'es. Oui, ouais. Si tu réserves pas, t'y vas pas, c'est encore mieux. Voilà. Ouais, mais c'est parce que t'es pas le ski, toi, c'est le problème. Message que nous avons reçu à 7h11. Message reçu à 7h11, d'accord. Donc ça rentre dans la case, c'est bon. J'avais dit qu'on ne prenait que ceux qui s'inscrivaient entre 7h10 et 8h10. Là, malheureusement, ça ne décroche pas, comme par hasard. Disponible pour le moment. C'est après, on va encore dire que c'est nous qui faisons des faux messages. Hein. J'y peux rien, moi. 7h11, le message est là. Appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. Voilà, bonjour. bonjour à toi, on t'appelait pour ton remboursement de ski, enfin de réservation de ski de 90€. Malheureusement, c'est raté, décidément, c'est le deuxième échec de la matinée, je vais finir par croire qu'on a vraiment pas de chance. Bah tant pis alors, hein, je ne sais pas comment tu t'appelais. On ne sortira pas de ce studio tant qu'on n'aura pas remboursé une facture. Et donc, vois, alors je suis sûr que si on avait payé et si on avait appelé pour le mec à 5€, il aura... Bah oui, mais enfin 5€, voyons. Bah, mais oui. Quoi, enfin, c'est vrai qu'en même temps, il a envoyé un SMS pour qu'on lui rembourse sa facture de 5€. C'est vrai que s'il veut, mais s'il veut qu'on lui rembourse 5€, on n'a qu'à lui rembourser 5€. Mais ça devait être 5€, 50€ ou 500€. Non, on a déjà eu des factures de. Non, on a déjà eu des factures comme ça aussi. Mais non, il a dû faire une erreur, je suis sûr. Non, c'est pas une erreur. Mais si, il a dû faire une erreur. Mais oh, arrête. Il a dû faire une erreur, ça peut arriver. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas très gentil pour lui, on l'a exclu du jeu. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi je propose que comme il a perdu, on l'appelle pour rembourser ses 5€. C'est ça. Ouais, moi j'ai envie, ouais. Ouais, bah on verra tout à l'heure, on verra tout à l'heure. Bon, allez, dans un instant, nous allons écouter, nous allons déjà jouer aussi avec la question qui colle. Question qui colle de ce matin, écoutez-la bien, je vous la pose. Lady Gaga veut se faire implanter des nouvelles dents, mais en quoi? Voilà, Lady Gaga. Oui, en quoi, oui. Lady Gaga veut se faire implanter des nouvelles dents, mais en quoi? Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous y allez pour les réponses. On fera la réponse dans quelques instants. Nous aurons également l'horoscope avec notre ami Doudou. Et dans un instant, Alizé Pulicic. Et comme par hasard, Fab, qui vient à la radio, qui est déjà là. Mais t'as remarqué que la radio commence à se remplir. Bonjour, mais oui, c'est bizarre. Tous les hommes arrivent plus tôt aujourd'hui. Tu viens de tomber de ton lit, qu'est-ce qui se passe? Non. Je suis venu rien que pour. Oui, bien sûr. Oui. Regarde, pour t'amener les pains au chocolat pour avoir mes congés la semaine prochaine. Oh, j'aime pas le pain au chocolat. Oh, bah y a tout, y a un pack. Y a un pack. Ah, bon, allez, on va s'écouter les Fugees maintenant avec Fuji là sur Fun Radio. Ça fait plaisir. Le son des Fugees à l'instant sur Fun Radio avec Fujila. Un petit souvenir qui faisait plaisir par où ça passe. 8h16. Je vous rappelle la petite question qui colle de ce matin. Encore un truc surréaliste de notre ami Lady Gaga qui veut se faire implanter des nouvelles dents. Mais à votre avis, en quoi? En quoi on pourrait... De nouvelles dents. Ouais, proposées enfin, en résine, non, c'est pas ça. On proposait des dents en résine, des dents en ivoire, ce n'est pas ça non plus. Est-ce que c'est cher? Oui, ah, très cher. Est-ce que c'est jaune? Non. Non, enfin, ce n'est pas de l'or. Non, c'est pas ça. Non. C'est ma question. Voilà. Non, Lady Gaga est bien au-dessus de ça. Mais oui, bien au-delà. Bien au-delà. Voilà, c'est plus cher que l'or. Ouh. Et oui. Alors que l'or est très cher pour l'instant. Alors que l'or est très cher, ouais. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, on vous filera des cadeaux, bien évidemment. Alors, c'est parti maintenant. Faisons un tour du côté de l'horoscope de notre ami Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Alors, l'horoscope. Vive la France, vive, c'est la fête, oui. Pourquoi non, France, en Belgique. Ça n'a rien à voir, on est en Belgique, Doudou. Non, la fête de la communauté française. Ah bah oui, mais tout à l'heure vous avez dit c'était la fête de la France. Non, la fête de la communauté française, pas de la France. Ah pardon, vive la communauté française. Voilà, et la fédération Wallonie-Bruxelles. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, alors c'est trop compliqué pour Doudou. Non mais t'as dit toi-même que c'était pas encore signé officiellement, je sais pas si, quoi. Si, mais c'est pas encore dans les textes, mais c'est officiel. Ah d'accord, ok. Bon bah bref, alors ah, voilà. Ah oui, d'accord, mais alors c'est pas la fête alors. Bon si, allez, Doudou, c'est parti, on va faire les béliers là, sinon on va y passer la nuit. Ah oui, mais enfin. Bon, faut vous mettre d'accord tous les deux. Moi, je comprends plus rien. Allez-y, oh là Doudou, l'horoscope. Bon, d'accord. Alors, les béliers, faites preuve de courage et d'assurance. Bah oui, avec vous, il va falloir, effectivement. Les taureaux. Les jours prochains vont être très difficiles, mais vous allez surmonter tout ça. Les gémeaux. Accordez-vous une pause méritée. Fêtez votre succès. Les cancers. Je vais aller trouver des gémeaux, moi. Ouais, c'est ça. Les cancers, comme Julie, qui est en train de manger. Oui, je croyais qu'elle avait pas faim. Mais oui, moi aussi. Alors, le cancer, un orage purifie l'air, mais. Et ne perdez pas votre choix aujourd'hui avec des disputes, ça ne sert à rien. Les lions. Prenez votre journée, changez-vous les idées aujourd'hui. Très bien, les vierges. Ne cherchez pas à vider votre sac à la maison, ça pourrait finir en dispute. Surtout si votre compagne est cancer. C'est ça. Les balances. Rangez votre bureau, vous y trouverez sûrement quelque chose aujourd'hui. Les scorpions. Ne soyez pas guincheux. Les sagittaires. Allez-y maintenant, professionnellement parlant, comme dans tous les autres domaines, c'est votre jour. Les capricornes. Donnez à votre partenaire l'impression que vous êtes vraiment intéressé par ses sentiments. Les verseaux. Votre organisme n'a pas besoin de battre des records, mais plutôt d'un mélange sain entre activité et repos. Bon, et enfin pour terminer, les poissons. Vous êtes dans une période exceptionnelle et vous gagnez sous tous les plans. Très bien, merci Doudou. Bah de rien, c'est un plaisir. On vous retrouve dans une heure. Et, d'accord. Et bah oui, mais y a pas de problème. Et puis je vous repose la petite question aussi. Lady Gaga veut se faire implanter des nouvelles dents, mais en quoi? Ce n'est pas en platine, en chocolat belge. C'est une idée. En chocolat belge, c'est une idée. Oui, il fallait y penser. Se les manger, ces dents. Hein. Oui, ça aussi, c'est ça le problème. En cristal, ce n'est pas la bonne réponse non plus, là. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, 8h19 sur Fun Radio. On va s'écouter le son d'Adèle maintenant. C'est Set Fire to the Rain. Bonne matinée, tout le monde. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Très bon le son d'Adèle à l'instant, Set Fire to the Rain. C'était un petit remix de Thomas Gold. Voilà, comme ça, pour ceux qui se posent la question, il y en a pas mal qui se la posent justement. On va se faire la réponse aussi à la petite question qui colle là. En quoi Lady Gaga veut se faire de nouvelles dents? Quelqu'un qui proposait salut à tous, est-ce que Lady Gaga va se mettre des dents en sucre? Non, ce serait quand même complètement con de mettre des dents en sucre. Enfin, elle fait beaucoup de choses complètement connes, hein, mais oui, ça bon, quand enfin, même non. Mais là quand même, ce serait un peu bête malgré tout. Hein. Des dents en saphir. Tu mettrais des dents en quoi, toi, Julie? En rien du tout, moi. Ah, c'est vraiment dommage. Non, je crois que je... Non. En rien du tout, tu laisserais tes dents d'origine? Bah attends, évidemment, à quoi ça sert de mettre des autres dents? Dit-elle pendant qu'un homme lui a amené son petit déj et se fait masser en direct. Oui, bien sûr, c'est moi beau. Ici, j'ai la totale, moi. Quel style. Tu vois, non, mais c'est ça, Fun. C'est ça, être une t'es baronne, qui veux-tu. Ouais, c'est ça, c'est Julie la baronne. C'est Julie la baronne, exactement. On prend bien soin de moi, ici. Bon, et tiens, et Alizé, alors on va la prendre le micro là, n'hésite pas, vas-y, installe-toi. Comment ça va, Alizé? Ça va bien. Bon, et oui, alors Fabrizio qui bosse là, qui lui met un casque, qui lui écrase la tête, allez, tiens, tu vas voir, ça va être bien. Bon, Alizé Poulichek qui est donc avec nous, tu te mettrais des dents en quoi, toi, Alizé, si tu pouvais changer? En rien du tout non plus. Ah oui, non, en rien. Tu gardes tes dents d'origine? Bah oui. Non, parce que c'est de mes dents. Mais c'est Lady Gaga qui. C'est Lady Gaga. Peut-être que tu n'as pas encore la fortune de Lady Gaga. C'est peut-être ça le problème. Oui, c'est peut-être parce ça aussi. Parce que ce serait différent. Mais oui, elle a décidé de changer ses dents et on donnera la réponse d'ici quelques instants. Bon, ce matin, on reçoit la plus charmante des ambassadrices belges, Alizé Poulichek. Oui, tu as vu un petit peu, nous sommes. Quelle annonce. Mais t'as vu un peu. Mais je fais cette même annonce tous les matins, Julie. Voilà. Moi. Et elle s'en rend pas. Oh, tu rigoles ou quoi? Tous les matins, on t'accueille comme ça avec des pétales de rose par terre. Ouais, on bien sûr. Tout ça. Mais oui, on chante des louanges. Ouais, c'est ça. Oui, tous c'est les matins, ça. On est là, on fait Julie. Oh Julie, ma belle Julie. Tous les matins, on est content de te voir. Si ça pouvait être vrai. Oh, arrête un peu la question. Mais demain matin, j'attends ça. J'attends les pétales de rose et alors une petite musique quand j'arrive. Eh ben attends alors. Hein. Ok, merci. Ah oui, pas quoi, problème. Mais... Ouais. Merci. Je t'entends pas, Fabrizio. C'est quand même elle qui a les massages. Oui, c'est vrai. Je suis quand même un cran au-dessus d'Alizé Poulichek et ça c'est très fort. Bon, c'est vrai. Ça, c'est en très, tout cas, très fort. C'est gentil Alizé d'être passé nous voir. Tu t'es levé que pour nous ou tu devais faire autre chose en même temps? Mais là, je me suis levé un peu plus tôt rien que pour vous. Oh, ça nous touche énormément. Ça nous fait plaisir. Bon, alors, c'est quoi le réveil? C'est quoi le réveil d'Alizé? Le réveil d'Alizé, c'est une affreuse musique qui me fait bondir de mon lit. C'est quoi? Et je sais même plus un truc. C'est en écoutant Fun Radio à 6h30. Ça c'est après dans la voiture histoire de me... Ah d'accord, ok, ça va. Pour mettre de l'aplomb. D'accord, très bien, mais c'était pour être sûr en fait, tout simplement. Bon, alors petite question, combien de temps tu mets pour sortir du lit? Normalement une heure, là, trois une minutes. Une heure? Ah, tu mets une heure pour sortir du lit quoi. Bah, elle a des je mets toujours jambes. Le réveil plus tôt. Ah, mais une heure plus tôt quand même, moi je le mets 10 minutes plus tôt, mais une heure plus tôt. Une demi-heure en général. Bon, combien de temps sous la douche? Soit pas longtemps, 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Combien de temps pour le maquillage? Dans la voiture, 5 minutes aussi. Dans la voiture, 5 minutes, hein, entre deux accidents. Entre deux feux rouges, ouais. Et alors, combien de temps pour choisir tes fringues et pour les chaussures, tout ce qui va avec? Alors là, j'ai fait fort. Oui, alors elle est venue aujourd'hui, elle est venue en courant, faut le savoir. Parce qu'elle s'est dit, tiens, ouais, elle s'est dit, c'est bien, on est tout près du bois de la Cambre, Fun Radio, je vais aller faire voilà, un petit jogging. On est à la radio. En basket. Bah oui, on est à la radio, hein, les gars, on va pas commencer à se pimper comme ça. Et en même temps, j'enchaîne avec des répétitions. Ouais, et ce qui est bien, c'est qu'au début, j'ai quand même dit, on reçoit la plus charmante des ambassades. Cette race, là. Bah, elle reste charmante. Elle reste très charmante, même en jogging. Ouais, même en survêtement. C'est vrai. Tiens, est-ce que ça t'arrive de te regarder juste avant de partir et de te dire, peut-être comme aujourd'hui, non, ça va pas, je vais retourner pour me changer. Oui, mais bon, en général, je me dis, bon, bah tant pis, c'est la vie. Hein. Il y a des jours c'est comme avec, ça, après. Hein. Bah voilà, c'est ça, tant pis, parfois ça va, parfois ça va pas. Bon, aujourd'hui, t'es passé nous voir parce que il y a l'élection Miss Wallonne. Eh oui. Qui va arriver dans pas longtemps. Oui, déjà le 1er octobre, hein, ce samedi. Hein. Ouais, exactement. Alors comment ça se passe? C'est quoi Miss Wallonne? Donc c'est parce qu'on connaissait forcément Miss Belgique, etc. Puis après il y avait Miss Liège, Miss Bruxelles, Miss tout le bazar. Mais alors Miss Wallonne? Non, mais c'est Miss Wallonie. C'est en fait, c'est tout simple. C'est toujours la même chose. Avant Miss Belgique, il y a les élections par province. Ouais. Donc Miss Liège, Miss Bruxelles, etc. Et donc voilà, nous on a récupéré l'organisation pour les 5 provinces wallonnes. D'accord. Et au lieu de faire ça séparément en plic-ploc, on a tout rassemblé et on fait une grande finale avec les 5 provinces wallonnes. D'accord, ok. Et donc ça, ça se passe ce samedi, c'est à ce samedi. Spa, c'est ça? C'est à. Non, c'est au Country Hall à Liège. Que pêche presque ça. Voilà. J'étais pas très loin. Oui, oui, oui, par rapport à Arlon, j'étais à côté. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Par rapport à Arlon, j'étais pas loin. Et donc, alors la bonne nouvelle, c'est qu'après grande négociation, j'ai réussi à avoir des places pour vous envoyer là-bas si vous voulez, pour aller voir Alizé et toutes les miss qui seront autour. Un Toff sera probablement présent. Mais je serai là. Je serai là. En voilà. Coulisses. Ben je surveillerai que tout se passe bien. J'imagine. Donc en tout cas, on va en parler dans quelques instants encore avec Alizé. En tout cas, si vous voulez choper vos places pour aller justement à cette élection Miss Wallonie, c'est ça, un final avec avec Alizé notamment. Ben n'hésitez pas, vous inscrivez. On a on a pas mal de places à vous filer ce matin. 63-22, vous débutez le message avec Wallonie. Wallon, Miss, c'est plus court. Moi j'aurais fait Miss. Ou Miss, ouais voilà, c'est plus court. Bah oui, voilà. Miss MI2S avec vos coordonnées complètes. 63-22, débutez le message par Miss avec vos coordonnées complètes. Alice, t'as encore 5 minutes pour nous. Mais bien sûr. Très bien, parfait. N'hésite pas à prendre un petit déjeuner, tout ça, voilà, c'est ça. Oui, c'est oui ça. Maintenant ça y est. Bah ouais. Dans un instant, c'est l'info avec Julie la baronne et on écoutera aussi le son de Mister You. Avec DJ Adele, ce sera Funk You sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Il est 8h30 sur Fun Radio et voilà, on a trouvé une petite question tiens, à poser pour vous filer les places pour aller à l'élection de Miss Wallonie. Donc ce sera ce samedi 1er octobre à Liège. Alors, Alizé Poulicek est donc avec nous ce matin, a été élue Miss Belgique. Une année bien évidemment, mais en quelle année était-ce? Ah, eh oui, la grande question. Bon, Fabrizio qui travaille avec nous avait déjà dit 2007 et déjà il est à côté du panneau. Donc si vous avez la bonne réponse, 63-22 par SMS, 1 euro le message et vous gagnerez peut-être des places pour aller assister à l'élection de Miss Wallonie avec Alizé Poulicek bien évidemment. Ce sera ce samedi 1er octobre et pour info, ce n'est pas la peine de dire je vais voter pour Alizé, elle ne joue pas. Hein. Je peux plus. Voilà, c'est bon, elle a déjà elle eu... Elle a déjà été élue. Elle a déjà été élue une fois, pas 10 fois non plus quand même, hein, faut pas abuser. Allez, 8h31 maintenant, passons à l'info avec Julie la baronne. Salut à tous. Peut-être un gouvernement dans 3 semaines. En tout cas, les négociateurs se hâtent pour être prêts pour la rentrée parlementaire le 11 octobre prochain. Les 8 partis qui négocient se sont attaqués hier après-midi au transfert de compétences. Dernier point de la réforme de l'État qui reste à discuter. Ensuite, le formateur Elio Di Rupo s'est rendu en début de soirée chez le roi durant 1 heure pour lui présenter un rapport intermédiaire sur sa mission. Une allocation familiale à 160 euros par enfant après la accord de ce week-end sur la loi spéciale de financement, certaines choses vont changer, notamment au niveau des allocations familiales. Une matière qui sera maintenant transférée aux communautés flamandes, françaises et germanophones. L'occasion pour la Ligue des Familles de mettre sur la table une nouvelle idée. Une allocation familiale universelle d'environ 160 euros par enfant. Le même prix donc pour tout le monde. L'objectif est d'équilibrer et de simplifier notre système actuel d'allocation. Les gardiens de la prison de Verviers sont en grève. Ils protestent contre les conditions financières proposées dans le cadre des détachements prévus à la suite de la fermeture de la prison de Verviers. À partir du 31 octobre prochain, la prison doit fermer à cause de sa vétusté et les travailleurs vont être transférés dans d'autres prisons, comme par exemple à la prison de Saint-Gilles ou à la prison de Huy. Les agents souhaitent entre autres une flexibilité d'horaire et des possibilités de transport pour ceux qui devront accomplir les plus long trajet. Les syndicats souhaitent que le mouvement de grève soit le plus court possible. Les tabac stops sont pris d'assaut. L'interdiction de fumer dans les cafés semble pousser les fumeurs à mettre fin à leur addiction. À la fin de l'été, les services tabac stop ont vu les demandes d'aide augmenter de 70%. Alors qu'elles étaient déjà en hausse de 40% en juin. Actuellement, on dénombre 34 centres d'aide aux fumeurs en région wallonne et aucun élargissement n'est pour l'instant envisagé. Le chlore détruit la fertilité. Un quart des adolescents qui ont été exposés avant l'âge de 7 ans à 125 heures de piscine chlorée, eh bien, ils affichent un indicateur de fertilité anormal sur base des résultats d'une étude d'un toxicologue à l'UCL. La cause de ce problème n'est pas le chlore lui-même, Eh bien, les particules qui résultent d'un contact du chlore avec les particules biologiques qu'amènent les nageurs, comme par exemple la transpiration ou la salive, les taux de ces produits diminuent si l'eau de baignade est régulièrement renouvelée. À l'étranger, au Pakistan, au moins 30 morts dans un accident de car scolaire. Des écoliers pour la plupart, le car a quitté la route et s'est écrasé au fond d'un ravin. L'accident serait dû à une panne de frein. Et puis enfin, sport football, Jos Dardenne n'est plus l'entraîneur de Charleroi. Abbas Bayat, le patron du club Carolo, a décidé de s'en séparer suite aux mauvais résultats du club cette saison. Il est 8h34 sur Fun Radio, la météo. Si la matinée débute un petit peu sous la grisaille, le soleil va dominer la journée. Maxima entre 19 et 23 degrés toute la semaine s'annonce radieuse et ça même fait plaisir. 27 degrés ce week-end. Bon, et restez là, l'info en plus, c'est dans 2 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Alors, Alizé, je vais te poser une petite question. Selon toi, quelle est l'opération chirurgicale chez les hommes qui remporte un franc succès en Allemagne pour l'instant ? Je cherche pas trop loin. Je cherche vraiment pas loin. C'est une opération de chirurgie esthétique. Des faux abdos. Non. Non. C'est un petit peu plus bas sous la ceinture. Descends plus bas encore. Hein. Oh. Des fausses fesses. Non, cherche de l'autre côté. Hein, c'est plutôt côté recto. Eh bien oui, les hommes, enfin en tout cas les Allemands, ont de plus gros pénis parce qu'ils agrandissent leur attribut de plus en plus. Cette intervention du pénis, donc elle intervient à la 7e position des interventions chirurgicales masculines. Donc elle a quand même pas mal de succès chez les hommes en Allemagne. Alors pourquoi ? Parce qu'apparemment les hommes se rasent de plus en plus cette zone-là. Donc le pénis apparaît de plus en plus et donc ils ont l'impression qu'il est trop petit. Vu qu'on le voit beaucoup plus, il est beaucoup plus à la vue de tous, donc ils se disent bah autant l'agrandir. Pourtant, en principe, quand tu rases, il paraît un peu plus grand. Oui, mais on le voit plus, tu vois. Donc on peut moins cacher qu'il peut être un petit peu de complexe. Ah voilà. Voilà. Mais ben, c'est ça, c'est des complexes, mais bon. Les filles se font refaire les seins, les hommes font refaire le pénis. Pourquoi pas. Et ils ont bien raison. Hein. Ah bah attends, pourquoi pas. Et elles aussi d'ailleurs au final. Hein. Mais voilà. Bon, l'info revient tout à l'heure. Ce sera aux alentours de 9h. Mais il y a pas de raison, t'as raison. L'info revient tout à l'heure à partir de 9h du mat, et puis on va donner la réponse maintenant aussi, la réponse à la petite question qui colle. Nous avons qui pour la réponse à la question qui colle? C'est Michel de Charleroi. Salut Michel. Salut. Comment vas-tu? Bah je vais bien, je travaille donc je suis en pleine forme. Tu travailles, tu fais quoi? S'il te plaît. Tu fais quoi? Bon, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux sortir ton téléphone de ta bouche? Qu'on puisse comprendre quelque chose. Ah voilà, oui, bah, c'est peut-être ça le problème alors. Hein. Voilà, Michel, sors-le un petit peu là. Ah, mais c'est l'oreillette le problème alors. D'accord, ok, très bien. Voilà, voilà. Allez, ça y est, c'est plié, Michel. On l'a perdu. Ah oui, là, ça va beaucoup mieux là. Ça va beaucoup mieux. Bon, Michel, tu fais quoi dans la vie? Moi, je mets les compteurs à budget au gaz, pour les gens. D'accord, ok, très bien. Bon, et tu as la réponse à la petite question qui colle. Ah, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je pense au diamant. Oui, exactement, Lady Gaga veut se faire des dents en diamant. Pas toutes, hein, mais quelques-unes. Elle veut mettre des diamants, elle veut se faire arracher une dent et mettre des diamants à la place. Mais elle est complètement folle. Non, elle est pétée de thunes. Et je me demande si c'est vraiment très hygiénique, ce genre de choses. Ça, je sais pas, mais... Parce qu'après, il faut la brosse à dents qui va avec. Hein. Ah oui, c'est ça, tu vois, donc à mon avis, tu prends pas n'importe quelle brosse à dents à la con. Hein. Ouais, c'est ça, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Bon, en tout cas, Michel, le cadeau va partir directement à Charleroi, où on écoute sur 103.5 Fun Radio. Et tu reviens quand tu veux, Michel. Oui, merci. Je t'en prie. Salut à toi, Michel. À bientôt. Oui, oui. Salut, salut. Bon, bah, très bien. 8h37 sur Fun Radio. Alizé Polichek qui est toujours avec nous, puisque je vous le rappelle, il y aura l'élection donc de Miss Wallonie. Ce sera ce week-end à Liège. Et c'est où exactement encore, tu m'as dit? Au Country Hall. Au Country Hall, exactement. Et il y a des places à gagner aussi pour aller à cette soirée, justement, hein. Strass et paillettes. Eh oui. Passe paillette et après bling bling, hein, parce qu'on a l'after party du VIP Room en exclusivité. Donc, Le VIP Room vient à Liège, rien que pour cette soirée. Exactement, donc si vous y allez pas habillé comme des sacs. Hein, non mais c'est vrai, après vous risqueriez d'être dehors, donc ce serait con quand même de votre part. C'est une belle soirée, donc c'est normal que tu t'habilles bien. Quoi, mais bien sûr, voilà, oui, si bien sûr, tu sors tes plus belles baskets et ton plus beau baggy. Quoi. Ah voilà, ok. Voilà, donc 63-22, si vous avez la bonne réponse à la question qu'on a posée, Alizé a été élue Miss Belgique, mais en quelle année? La réponse au 63-22, bonne chance tout le monde. Et nous avons une petite surprise pour toi, Alizé. Sache que tous les matins, il y a Sébastien Loeb ici présent. Hein. Salut. Voilà, bonjour. Qui s'est mis en beau t-shirt canari ce matin. C'est vrai? En mode Pikachu. Mais ouais, mais tu as bien raison. Et donc, qui nous fait tous les matins la déclaration express. D'habitude, c'est pour les auditeurs. Et là, ce matin, c'est une déclaration express pour toi. Oh. Attention. Essentiellement pour toi. Oui, bah, enfin, que pour elle. Ouais, mais attention, t'as pas écouté les paroles encore. Oui, non, tu ne connais pas encore vraiment le. Mais c'est passé par la censure, c'est-à-dire Julie la baronne, donc normalement on devrait bien s'en sortir. Ça devrait aller. On y va, attention, c'est parti. Je mets la musique ? Oui. Allez. C'est beau. Ah ouais, magnifique. Tu sais, c'est super rare que je regarde RTL. Pourtant ce soir-là, je l'ai fait. Et je venais juste de terminer de faire la vaisselle. Y'avait 10 meufs en maillot de bain, c'était toi la plus belle. Et directement j'ai voté par SMS et j'ai même laissé mon numéro tel. Puis 2007, j'attends sans cesse que tu me rappelles, car j'en ai envoyé blindé pour que tu me rembourses ma facture Mobistar. Parce que t'es trop belle, je suis à la Banque Nationale, à la Banque Nationale, à la Banque Nationale. Et mon compte en banque se vide plus que ce qu'il n'avale, vide plus que ce qu'il n'avale. Oh putain, ça fait mal. La na la na la la na la na la na na la na la na na na na na na na na na. Je crois qu'on peut arrêter là. En tout cas, le pauvre, il s'est lancé dans son lalala et il s'est rendu compte que, à part moi qui avait lu le texte, personne ne savait qu'il avait fini sa chanson. On retiendra quand même le lalala. Et l'erreur également dans la chanson, puisque c'était pas en 2007. Mais bon, pour la rime, c'était mieux. Oh, Wikipédia, attends, Wikipédia n'est pas une référence. C'est vrai, ce n'était pas en 2007. Je connais pas le net. Même Wikipédia n'a pas donné cette année-là. C'est vrai. Enfin bref. Bon, donc Alizé qui est donc. C'était mignon quand même. Ah, quand même. Ah, c'était mignon quand même. Oh, tout ça pour avoir un bisou. Non, mais c'est quoi? Avec la langue. Quelle classe! C'est tout ou rien. Comme quoi, la chanson, ça marche. Ah, il manquait plus que la guitare, là, et hop, l'affaire a été pliée quand même. On aurait pu mettre un feu de bois et puis on en parlait. C'est vrai. Tiens, comment ça se passe avec l'élection des Miss, là? Parce qu'on a entendu, Belgique, hein, je parle, là. On a entendu que ça risquait de passer à la trappe parce que VTM trouve que ça n'avait plus assez d'audience, donc ça les faisait un peu chier. Apparemment. Donc effectivement, le concours national a un peu des soucis avec la télé pour le moment. D'accord. Donc je crois que c'est l'occasion pour un peu... redonner du peps au concours et remoderniser tout ça. Hein. Sinon, il faut aller chercher Madame Chapeau. Geneviève de Fontenay pour qu'elle s'occupe un petit peu des Belges. Ouais. Ça peut être une idée. Elle va nous remettre ça d'aplomb tout de suite. Je suis pas sûre que ça va justement remoderniser le truc, mais. Ah oui, non, ça je te confirme. Elle va arriver avec son chapeau, tu vas voir, ça va être la classe. Bon, et alors apparemment, tu vas les coacher aussi, les Miss, parce que tu t'occupes des Miss Wallonie, mais pas juste comme ça pour le sport. C'est parce que tu vas les coacher. Parce qu'apparemment, tu trouves que les Miss flamandes, enfin, de Flandre, voilà, sont mieux coachées que les Wallonnes et que c'est pour ça qu'il y aurait plus de Miss Belgique flamande que francophone. Bah, ça fonctionne un peu mieux du côté flamand, c'est clair. Les filles sont mieux préparées, donc c'est un peu le but. C'est vrai que le concours ces dernières années, même national, a un petit peu perdu de ses plumes, et donc le but ici c'est finalement de rebooster un peu les élections, de remotiver tout le monde. Donc on est occupé, elles ont eu des cours de coaching, des cours de maintien, etc. Tous les cours préparées. De néerlandais qu'il leur faudrait. Ouais, elles ça, ont ouais. eu, elles ah ouais, ont eu ça, tout le mois d'août des cours de néerlandais. En général, les flamandes parlent plus facilement français que le contraire. Ouais. C'est ça qui les pénalise souvent. Hein. Aussi, hein. Ouais. Et puis bon, une fois qu'elles sont coachées, elles apprennent aussi à être un peu plus sûres d'elles, et sur scène, ça se ressent aussi. Donc bon, je crois que là, on est bien. Surtout que la finale, ici, Wallonne, va être même en quelque sorte plus grande que la finale nationale, parce qu'on a quand même 2-3 000 personnes. Ah oui, quand même, ouais. Et on a 100 filles sur scène, vu qu'on a tout réuni. Donc ça, c'est aussi un truc un peu exceptionnel pour la Belgique. C'est bon, ça. Donc, ça va être un bon spectacle. Aussi, moi, samedi soir. Ouais. Peut-être rien à faire, moi. J'en connais deux, là, qui vont traîner. Et on a des belles. On en a de très jolies. Et donc, moi, je dis qu'on a mis une Wallonne. Elles sont censées nous représenter, donc j'espère qu'elles sont un peu jolies. Et alors, en tant que bonne coacheuse, donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour que Toff devienne une belle Miss? Oui. Alors déjà la barbe, il y a un souci. Non, je sais. Le maintien, j'ai envie de dire aussi. C'est ça. Je t'emmerde. Sinon, il a un beau sourire, hein, ça pourrait fonctionner au niveau merci. Du sourire. Mais regarde ses beaux yeux bleus comme ça qui pétillent. Oh, bah heureusement qu'il a les yeux bleus. C'est pas vrai, tu m'as fait un compliment. Oh là là. Non. Non, mais je fais semblant, j'essaie de t'arranger le coup là. Je suis touché, Julie. Tu me remercierais après. Ouais, c'est ça, ouais. Avec plaisir. Avec la langue ? Non, non, non, sans. Il n'y a pas grand chose à faire, alors juste ça ? Ben oui, c'est un peu le global. Le global, d'accord, ok. Je te remercie. Non mais c'est bien, écoute, comme ça au moins on voit que tu me diras, il y a tellement de travail que ça commence à devenir un petit peu compliqué hein. Ouais, je sais, même Bouygues il veut plus travailler pour moi. Je crois qu'en quelques années on pourrait y arriver. C'est ça. Exactement, oui. Il faut un bon gros travail hein, mais ouais, bon. Faut commencer par le gros œuf déjà. Ouais, déjà aussi, effectivement. Bon, la bonne réponse là pour les places, puisqu'il y a eu quelques inscriptions, c'était donc bien évidemment 2008. Voilà, 2008, l'élection donc de Alizé à Miss Belgique. T'es passé juste après qui toi? Juste après, je me pose une colle, Anneline. Ah oui, c'est ça. Anneline Korevitz, oui. D'accord, ok, très bien, parfait. Non, c'était juste pour savoir si tu suivais un petit peu le bordel. Si j'arrivais à suivre. Oh, oui, c'est bien, parfait. C'était une petite question piège, mais tu t'en es plutôt bien sorti d'ailleurs. Bon, je rappelle aussi que pour ceux qui n'ont pas gagné leur place, il y a également un site où on peut les acheter si mes souvenirs sont bons. Je ne sais absolument plus le site, mais tu vas certainement me le rappeler. Oui, c'est www.countryticket.be. J'imagine qu'on va réussir à écrire ça. Country Ticket, voilà. Country Ticket, ok. Voilà. Bon, sinon, vous tapez Miss Wallonie sur google.be et vous trouverez facilement, je pense. En tout cas, je l'espère pour vous. En tout cas, Alizé, merci d'être passé ce matin. Et puis, tu reviens quand tu veux, surtout. Hein. Mais voilà, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, n'hésite pas, les petits pains sont là, t'as vu, on sait recevoir. Bah, hein. J'ai été les acheter personnellement ce matin. Oui, bien sûr. Non, je confirme, c'est Fab qui a été les chercher. Ouais. C'est pas Mickaël qui bougerait son cul pour faire quoi que ce soit. Parce que sinon, il me les donnait pas, quoi. Personnellement, je les ai achetés la semaine dernière. Mickaël ne fait jamais rien pour tout le monde, il faut que tu le saches, Alizé. Non, jamais rien gratuitement. C'est pas pareil. Ouais, c'est différent. C'est exactement, c'est pas la même chose. Ouais. Bon, en tout cas, bonne journée, bonne soirée samedi. Merci et puis on se verra certainement samedi. Hein. Ouais, j'imagine. Hein. Bon, à samedi, puis les autres aussi, vous pouvez encore vous inscrire au 6322, débuter votre message par Miss. On revient dans un petit instant avec l'infotrafic, on aura aussi la ligne anti-relou et le son de Pitbull et Marc-Anthony. Rain Over Me, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Il est 9h15. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h48. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, July? Soyez prudents, camion en panne dans l'échangeur avec le 42 Mons, Namur, Liège, avec le 411, Luxembourg, Namur, Bruxelles, à hauteur de l'échangeur de Dossous. C'est la bande de droite qui est obstruée. Très bien. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'ailleurs, venez nous en parler, venez nous le dire. Ça se passe au 3044 par SMS ou alors sur mickaël@funradio.be et au moins là, c'est gratuit. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et à 9h-10, c'est l'heure maintenant de la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est les meilleurs messages qui ont été laissés au 0 473 86 00 13. C'est le numéro de la ligne anti-relou, le numéro de la ligne à retenir par cœur, puisqu'il faut faire croire au relou que vous allez croiser et ben que c'est votre numéro, de manière à en être débarrassé justement. Écoutons maintenant les messages laissés sur cette ligne anti-relou. C'est parti pour le premier. Oui, bonjour, c'est José. J'ai eu votre numéro de téléphone par Mickaël, mon neveu. Alors, si vous voulez me téléphoner, c'est le 04-475-4. Eh ben, écoute. Je vous remercie. Ton neveu, c'est bien foutu de ta gueule. Hein. Je pense. Ouais, là, quand même, oui. Ah, bien, bien, bien comme il faut. Hein. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Allô, bonsoir, Fun Radio. Ouais. Bonjour, parce qu'on est dimanche, 18h52, j'écoute Train de New York. C'est pour passer ce petit message d'amour à tout Fun Radio, parce que je vous aime tous. Nous aussi on t'aime. Oui. Eh ben écoute, tant mieux, nous aussi on t'aime. En tout cas, il a bien atterri sur la bonne ligne. Hein. Oui, c'était la bonne ligne. Il s'est pas trompé, ça c'est sûr. Et enfin, dernier message de ce matin. Oui, c'était Jean-Pierre. Écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais on m'avait dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait 1h30 que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon 5e café, donc je commence un peu doucement en avoir marre. Hey. Est-ce que tu crois que on pourra se voir un jour quand même? Parce que ce serait bien. Ça commence, quoi, tu vois. Oui. Commence à devenir dur. Oui. Bon, ben voilà, c'était la ligne anti-relou de ce matin. 0 473 86 00 13. Retenez bien le numéro. On remet le couvert demain, bien sûr, à partir de 6h du mat. Et j'ai la petite devinette qui colle. Bon, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. Écoutez bien, c'est pour gagner un écran plat ou des places pour le parc Astérix ou même des places pour assister à l'élection de Miss Wallonie, si vous voulez, à Liège ce samedi. Du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie, affaires, amour, jour et nuit, tout s'y inscrit précisément. Qui est-il? La bonne réponse au 63-22, aujourd'hui n'est plus en papier, aujourd'hui c'est plus électronique. Mais si vous avez la bonne réponse, moi personnellement je m'en sers surtout pour savoir quels sont les jours fériés. Mais bon, après chacun son délire. Du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie, affaires, amour, jour et nuit, tout s'y inscrit précisément. Qui est-il? 63-22, la bonne réponse. Une idée, Julie, ou un indice oui. à donner? Parce que tu as déjà donné un gros indice. C'est vrai, mais enfin, tu peux en donner un petit encore. Hein. Non, je crois que j'aurais donné le même pour regarder où sont les, quand sont les jours fériés, quel jour on est. C'est ça. Voilà. À la limite. Éventuellement, ouais. C'est plutôt un année de mémoire. Hein. Parce que je cherche pas le truc où on voit effectivement la liste avec tous les jours du tous les jours de l'année. C'est plutôt le côté aide mémoire, on va dire. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a plein de messages qui sont arrivés en disant calendrier. C'est pas ça. Non. C'est pas la bonne réponse. Top, c'est son cousin. C'est le cousin du calendrier. Voilà, c'est ça. La bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde. C'est 1€ le message. Écran plat et place pour le parc Astérix à gagner. Il y a 8h52. On écoute Pitbull et Marc-Anthony maintenant. C'est Rain Over Me. Le son de Pitbull avec Marc-Anthony, c'était Rain Over Me sur Fun Radio, il est 8h56. Bonjour et bon réveil tout le monde. Dans un instant ce sera Lucenzo avec Don Omar et Danza Kuduro. Et là c'est le moment, c'est l'instant de faire chier le monde évidemment avec Toff comme d'habitude oui, et comme chaque matin. Hein. D'appeler nos amis flamands. Ben oui, puisque c'est la fête anciennement de la communauté française et donc aujourd'hui c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ça? Voilà, qui fête. Fête sa fête. Ouais, voilà. Oui, c'est ça en fait. Qu'est-ce avant, il y avait un nom, c'était la fête de la communauté française. Mais maintenant, c'est. La fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, ouais, c'est ça aussi maintenant. C'est pas terrible, enfin bon. Donc ce matin, donc, tu mets donc, fin au conflit communautaire qui pourrit la Belgique, Tom. Grâce à toi, on va sortir de là. Mais heureusement qu'il est là. Exactement, parce que moi, je vais rassembler les Wallons, les Flamands. Mais bien sûr. Ça va être beau. Va négocier avec les 8 parties qui négocient, Tom. C'est ça. Sauf que le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé de Flamands pour venir faire la fête. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'on est tombé sur des aigris qui n'étaient pas bien réveillés. Là, je le sens bien, ça va être une belle fête. La communauté française, Wallonie, Bruxelles, je sais pas quoi, avec les gentils flamands et tout va bien se passer. Mais je sais pas pourquoi, mais Julie et moi, on a toujours pas l'air convaincus. Hein. Mais ah, si, tu vas voir, allez, on appelle. Bon, alors on y va, c'est parti, on y va, on appelle. Allez. Petit pronostic, Julie? Échec. Échec. Allez, hop. Un petit peu comme d'habitude, quoi. Mais crois pas en toi, Toff, hein, c'est dommage. Ouais, mais si je crois en toi, mais. Non, pas là, non. Pas là. Je le sens. Tu m'aimes pas. Si, mais pas là. Voilà, de toute façon, ça décroche pas comme ça, c'est arrangé. Ah. Allô. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la communauté française et je voulais fêter ça avec vous. Alors, champagne. Il a mis du temps. Hein. Bah, raccrochez pas. Mais non, mais raccrochez pas, j'appelle pour qu'on fasse la fête. Pour qu'on s'amuse ensemble. Non. Ah, elle te met une petite musique d'attente. Connasse. Enfin, c'est dingue. Et quoi, mais elle fait quoi, là, en fait? Ouais, oui, allô, bonjour, madame. Voilà, je vous appelle pour qu'on puisse faire la fête. Parce que, voilà, c'est la fête de la communauté française et je me disais que c'était le bon moment pour qu'on se rassemble. Non, a priori. Ah bah elle est partie. Ouais, ouais. Ok, très bien. Bon, on va la rappeler. Ça s'arrête comme ça. Oui, elle, on va commencer à se faire. Bah, elle avait l'air tellement gentille, là. Allez, hop. Oui, allô, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé. Je vous appelais pour qu'on puisse faire la fête. Allez, je vous remets un petit verre de champagne. Ah, donc. Non, apparemment non. Ami de la bonne humeur. Waouh. Ouais, le flamand a envie de faire la fête. Ah oui, on était à. C'est violent là. On était à Arendonk. Et à Arendonk, ils sont très gentils. Très ouverts, hein, très ouverts, très gentils. Tu sens ce côté joyeux. Peut-être qu'elle ne comprenait pas, tout simplement. Hein. Oui, enfin, elle a qu'à dire, je comprends pas. Elle peut parler anglais, elle peut se débrouiller, en tout cas dire un truc. Attends, quelque chose. Là, peut-être qu'elle parle que sa langue. Hein. Mais oui, mais attends, moi je l'appelle pour faire la fête champagne. Tout le monde comprend champagne. Mais oui, champagne. Hein, ouais, il avait qu'à dire champagne showers. Avec champagne. Ouais. Hein, j'aurais bien fait une champagne shower. Ouais, ouais, bah, pas avec celle d'Arendonk, à mon avis. Je crois pas, non. Elle a pas l'air très ouverte. Localisée peut-être, mais pas avec Arendonk. Ah oui, merde, on lui a pas proposé. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû. C'est dommage. Hein, Alizé, reviens. Ouais, c'est ça. Voilà, 8h59 sur Fun Radio. Dans un instant, l'info et Lucenzo avec Don Omar et Danza Kuduro. Et l'info de Julie, ça va arriver également dans 10 petites secondes. Restez là. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. 9h du mat sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, c'est mardi le 27 septembre et c'est l'heure de l'info. Salut à tous, peut-être une allocation familiale à 160 euros par enfant. Après l'accord de ce week-end sur la loi spéciale de financement, certaines choses vont changer, notamment au niveau des allocations familiales. Une matière qui sera transférée aux communautés flamandes, françaises et germanophones. L'occasion pour la Ligue des familles de mettre sur la table une nouvelle idée, une allocation familiale universelle d'environ 160 euros par enfant. L'objectif est d'équilibrer et de simplifier notre système actuel d'allocation. Et puis en tout cas, les négociateurs se hâtent pour être prêts pour la rentrée parlementaire le 11 octobre prochain. Les 8 partis qui négocient se sont attaqués hier après-midi au transfert de compétences. Dernier point de la réforme de l'État qui reste à discuter. Ensuite, le formateur Elio Di Rupo s'est rendu en début de soirée chez le roi durant une heure pour lui présenter un rapport intermédiaire sur sa mission. Les gardiens de la prison de Verviers sont en grève. Ils protestent contre les conditions financières proposées dans le cadre des détachements prévus à la suite de la fermeture de la prison de Verviers. La prison doit fermer le 31 octobre à cause de sa vétusté et les travailleurs vont être transférés dans d'autres prisons, comme par exemple à Saint-Gilles ou à la prison de Huy. Les agents souhaitent entre autres une flexibilité d'horaire et des possibilités de transport pour ceux qui devront accomplir les plus longs trajets. Les syndicats souhaitent, eux, que le mouvement de grève soit le plus court possible. Les tabac stops sont pris d'assaut. L'interdiction de fumer dans les cafés semble pousser les fumeurs à mettre fin à leur addiction. À la fin de l'été, les services tabac stop ont ainsi vu les demandes d'aide augmenter de 70%, alors qu'elles étaient déjà en hausse de 40% en juin. Actuellement, on dénombre 3400 centres d'aide aux fumeurs en région wallonne et aucun élargissement n'est pour l'instant envisagé. Le chlore détruit la fertilité. Un quart des adolescents qui ont été exposés avant l'âge de 7 ans à 125 heures de piscine chlorée, eh bien, ils affichent un indicateur de fertilité anormal. Et ce, sur base des résultats d'une étude d'un toxicologue à l'UCL. La cause du problème n'est pas le chlore lui-même, mais bien les particules qui résultent du contact du chlore avec les particules biologiques qu'amènent les nageurs, comme par exemple l'urine, la transpiration ou la salive. Les taux de ces produits diminuent si l'eau de baignade est régulièrement renouvelée. Et puis aujourd'hui débute le procès du docteur Conrad Murray. Le médecin de Michael Jackson est accusé d'homicide volontaire pour avoir injecté une dose létale de propofol, un puissant anesthésiant que le chanteur utilisait comme somnifère. La star est décédée le 25 juin 2009. Et puis enfin, sport football, Jos Dardenne n'est plus l'entraîneur de Charleroi. Abbas Bayat, le patron du club Carolo, a décidé de s'en séparer suite aux mauvais résultats du club de cette saison. Et à 9h03 sur Fun, c'est la météo maintenant. Si la matinée a débuté un petit peu sur la grisaille, c'est quand même le soleil qui va débuter et dominer notre journée maxima entre 19 et 23 degrés. Tout le reste de la semaine s'annonce radieux et même jusqu'à 27 degrés ce week-end. Et en tout cas, au-dessus de Bruxelles, pour l'instant, c'est ciel tout bleu. Hein. Ouais, fait plaisir. Tout pas va le soleil. Bien. Dites-vous d'ailleurs chez vous aussi comment ça se passe là. Est-ce que chez vous aussi le ciel est bleu? Le soleil brille. Profitons-en d'ailleurs. Je rappelle qu'on est en automne depuis presque une semaine. N'hésitez pas à nous le dire. 30-44 par SMS et 50 centimes le message ou sur mikael@funradio.com. C'est du via le mail et donc c'est gratuit. Et on revient dans 30 secondes avec l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 9h04 sur Fun Radio, l'info en plus, la dernière de la matinée. Eh bien c'est mal, c'est très très mal. Les jeunes font de plus en plus l'amour sans protection partout dans le monde. De plus en plus d'adolescents ont des rapports sexuels non protégés. Et ça selon un sondage commandé par une société pharmaceutique. Il a été réalisé dans 26 pays et on remarque que les adolescents s'intéressent de moins en moins aux moyens de contraception et aux risques de maladies sexuellement transmissibles. Donc on rappelle qu'il faut mettre un préservatif. Surtout, n'oubliez pas, parce qu'il n'y a pas que le sida, on en parle beaucoup, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles qui peuvent aussi entraîner de graves lésions, comme par exemple un cancer du col de l'utérus chez les femmes. Alors oui, on a observé. Et vous dites pas non plus que si on met pas de capote, le seul risque qu'on a, c'est d'avoir un gosse. Hein. Oui, ça c'est aussi, encore le truc le mieux qui puisse vous arriver. Oui, final. Ça c'est au final, ouais. Donc on a quand même observé qu'en France, il y a une hausse de 111% au cours des 3 dernières années, donc des adolescents qui ne mettent plus de capote ou alors qu'ils n'utilisent plus de pilules et ce genre de choses. Aux États-Unis, 39%. Ça c'est pire. Ouais. C'est-à-dire pas de capote et pas de pilule, ça c'est au top. Ah non, non, non, mais je ne sais pas à quoi ils jouent, mais en tout cas, c'est banalisé. La capote n'est plus aussi importante dans la tête des ados. Donc il faut leur remettre et bien l'enfoncer. Mettez un préservatif. Protégez-vous. Oui, je me suis dit que j'allais. T'as vraiment des jeux de mots dégueulasses. Pas du tout, pas du tout. Perverse. Bien enfoncé dans la tête. Bah, pas du tout. Alors que nous, là, nous sommes tous les deux vierges. C'est vous qui avez un. Bien enfoncé dans la tête. Bravo. Faut bien l'enfoncer dans la tête. Bah oui, pourquoi pas. Il faut le faire. 9h05 sur Fun Radio dans un instant. Parce qu'après, ça fait mal et elle va vomir. Ouais, c'est ça. Dans un instant, on rembourse vos factures au 6322 en débutant le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Comme là, par exemple, objet chic et érotique, 97 euros. 123 euros pour la taxe de mise en circulation de la voiture. 985 euros pour une gouttière. Ah oui, cher. 170 euros pour l'assurance incendie. 2000 euros pour le rêve. Ah oui, un rêve. On est toujours avec ce rêve là. Je sais pas ce que c'est, malheureusement, comme rêve. Bref, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, on n'a pas encore eu de chance ce matin puisqu'on a pu en rembourser aucune facture, eh bien 6322, et là justement comme c'est la dernière fois, si jamais ça ne décroche pas, on réessayera autant de fois que possible jusqu'à ce que ça décroche chez quelqu'un, parce que je ne veux pas rester j'ai sur un échec à 5 euros. Ouais je sais, mais bon, garde-la pour la fin éventuellement. Je ne veux pas qu'on reste sur un échec de 3 échecs d'affilée dans une seule émission, ça n'est pas possible. Non, tu ne veux pas. Non, non, je ne veux pas. Donc 6322, débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Voilà, on écoute. On va rembourser une BM ce matin. C'est ça. On va écouter le son de Lucenzo maintenant avec Don Omar, c'est Danza Kuduro. Et si vous aimez ce style de musique, vendredi soir, c'est l'Invasion Latina à partir de minuit sur Fun. Lucenzo sur Fun Radio avec Don Omar, Danza Kuduro. Allez, on paye des factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, chaque matin sur Fun Radio, on est comme ça, on essaye de rembourser vos factures, mais visiblement vous êtes un peu flemmard, hein, puisque bah, deux échecs depuis ce matin là, deux fois on est tombé sur un répondeur. Donc on remet le couvert maintenant et nous allons appeler quoi qu'il en soit plusieurs fois chez plusieurs personnes si jamais ça ne décroche pas du premier coup. Ah, la foutre. Il est comme ça, il est fou, Mickaël. Voilà. Ouais, non, mais on rembourse combien la taf? 97 euros. 97 euros. C'est pas possible quand même. Allô. Allô, bonjour. Bon week-end. Ah ben j'allais te demander qui te paye tes factures tous les matins sur Fun Radio. Je crois qu'on a la réponse. Mais voilà, effectivement, Mickaël, bravo. Comment tu t'appelles? Stéphanie, tu as quel âge et tu es dans quelle ville, Steph? 33 ans et dans la ville de Liège. De Liège, 99 FM pour écouter Fun Radio. À Liège, eh ben écoute Stéphanie, très bien, 97 euros, on va te rembourser, mais c'est pour rembourser quoi? Des objets chics et érotiques. Ah bah tiens. Mais encore. Mais ouais, précisons, non, mais c'est précisons. Bon, on s'en fout. Chic et érotique, c'est très bien comme ça. C'est pour toi ou c'est pour monsieur? Allez, partagez à deux. Ah, bah je sais pas, voilà. Pourquoi, mais parfois, chacun sa moitié. Ouais, voilà, ça dépend. Ouais. Bon, eh ben écoute, bravo à toi. En tout cas, on va te rembourser les 97 euros. On va te faire un virement, il n'y a pas de problème. Tu vas rester au standard. Ah. On va t'expliquer comment ça marche. C'est super gentil. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Merci. En tout cas, c'est ce qu'on appelle prendre du plaisir pas cher. Ah, voilà. Ouais. Ah, bah, ça c'est clair. Super. Ah ouais. Écoute, bon, gros bisous à toi et passe une bonne journée. Bonne journée. Merci. Allez, à bientôt. Ciao. Et je vais rappeler l'énigme qui colle aussi. C'est vrai qu'on a fait un petit bout de temps. Là, ça fait une demi-heure qu'on l'a pas rappelé. Une demi-heure, l'exagération suprême. Bon, au moins 20-25 minutes, hein. Je crois que t'exagères. Mais vas-y, balance. Comment elle est toujours me contredire. Oui. Ça, c'est la rigueur journalistique. Hein, c'est ça, c'est ça. Non, dans le détail. 3231, c'est pas 3200 et un petit peu. Non, mais non, c'est vrai. Enfin, bon, du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie. Affaires, amour, jours et nuits. Tout s'y inscrit précisément. Mais qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, 6322, vous débutez par rien, vous mettez la réponse tout simplement. Ce n'est pas un calendrier, on a dit que c'était le cousin. J'ai dit tout à l'heure que, enfin moi en général, je l'utilisais surtout pour rendez-vous et surtout pour savoir quels sont les jours fériés. Ouais. Ça peut être pas mal également. Mais maintenant, donc, on l'utilise un peu moins sur papier. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire aussi. C'était surtout électronique. Voilà. Ouais, si vous avez la bonne réponse, écran plat à gagner. Place pour le parc Astérix ou place pour aller tout simplement direction Liège. Ce sera ce samedi à l'élection de Miss Wallonie. Voilà. Si vous voulez gagner ça, 6322, c'est un euro le message. Bonne chance tout le monde. Et dans un instant, le son de Likili. Le son détesté par Julie. Oh, j'adore ce son. Ça me met la patate. Tant mieux. Je l'écouterai bien toutes les 10 minutes. Oui, bon, t'enflamme pas non plus. Hein. Likili, ça va arriver juste après ça sur Fun Radio. Il y aura l'horoscope de Doudou aussi. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. j'écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 9h15 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 avec l'horoscope dans un instant de Doudou, bien sûr. Et puis on parlera de Koh-Lanta aussi dans un instant. Le temps d'écouter la tuerie du moment, c'est Licky Lee, son découvert sur Fun Radio, c'est I Follow River sur Fun. Licky Lee sur Fun Radio à l'instant, c'était I Follow Reverse. Il est 9h18, dans un instant la réponse à la petite devinette qui colle. Du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie. Affaires, amour, jours et nuits, tout s'y inscrit précisément. Qui est-il? La bonne réponse au 63-22, c'est le cousin du calendrier. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Allez, l'horoscope, le dernier de la journée aujourd'hui, avec notre ami Doudou, comme chaque matin à l'heure 20 à peu près, en tout cas. Hein. Bon, alors... Doudou. Doudou. Doudou. Vous êtes... Donc vous le faites exprès? Vous avez dit que c'est pas une fête où on boit, donc je me suis mis en deuil. Non mais attendez, quand vous buvez pas une fête, c'est forcément pour un deuil? Bah oui, regardez, 1er janvier, fête où on boit, pas de mort. 11 novembre, on boit pas, c'est la fête des morts. Ouais, vous avez toujours raison. Allez, les béliers, bah oui, Doudou. Merci de le dire. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, allez. Alors, les béliers, faites preuve de courage et d'assurance. Les taureaux. Les prochains jours ne vont pas être faciles, mais vous surmontez tout ça sans problème. Les gémeaux. Accordez-vous une pause bien méritée et fêtez votre succès. Les cancers. Un orage purifie l'air, mais ne perdez pas votre temps aujourd'hui avec des disputes. Les lions. Prenez votre journée et changez-vous les idées, vous en avez besoin. Les vierges. Ne cherchez pas à vider votre sac à la maison, ça pourrait finir en dispute. Les balances. Rangez votre bureau, vous y retrouverez sûrement quelque chose. Les scorpions. Ne soyez pas grincheux. Les sagittaires. Allez-y maintenant, professionnellement parlant, comme dans tous les autres domaines, c'est votre jour. Ne le ratez pas. Les capricornes. Donnez à votre partenaire l'impression que vous êtes vraiment intéressé par ses sentiments. Oui, verso, pardon. Oui, votre organisme n'a pas besoin, mais si vous voulez, on peut inverser. Hein. Non, ça ira. Votre organisme n'a pas besoin de battre des records, mais plutôt d'un mélange... sain entre activité et repos. Et les poissons. Vous êtes dans une période exceptionnelle, vous allez gagner sous tous les plans. Ah ben ça fait plaisir. Attention, pour les poissons. Attention, jeu d'agent quand même. Oui, c'est vrai. Bon, merci Doudou, on vous retrouve demain. Bah de rien, bien sûr, avec plaisir, je reviens. Eh ben très bien, à demain Doudou alors. Et dans un instant. Tu vas réaliser demain? Non, ah non, elle va pas tous les jours réaliser Polichek. Ah, c'est on l'a dommage. Tout à l'heure, pas 10 fois non plus quand même, elle a autre chose à faire, la pauvre. Mais c'est ça, elle a une vie aussi. Elle a son jogging à faire. Hein. Oui, aussi. C'est normal. Je peux aller faire le jogging avec elle. Oui, bah essayez pour voir. Je la regarderai pas assez. Oui, bah faites ça alors. Bon, Jason Derulo, on va écouter ça maintenant avec It Girl. Et juste après, nous parlerons bien sûr de Koh-Lanta. On appellera le gagnant pour l'énigme qui colle et aussi le gagnant pour l'opération Lenko. Je vous rappelle qu'on vous offre toute cette semaine sur Fun Radio la possibilité de relooker votre appart ou votre cote. Il suffit pour ça d'envoyer Lenko au 63-22. On vous sélectionne aujourd'hui. Vous repartirez donc automatiquement avec un lecteur MP3. Et le 3 octobre, on appellera entre 6h et 9h30 une des personnes qui aura déjà été tirée au sort, qui sera repartie avec le lecteur MP3 pour lui filer un écran plat, le radio réveil, un lecteur DVD, une barre de son, une tour iPod, aussi un micro-ondes, un mixeur, un percolateur, une friteuse, un fer à repasser, un aspirateur. Et pour justement, ça, bien j'ai sûr, besoin de tout ça. Ben oui, c'est ça, ben t'as qu'à jouer. Voilà, 63-22, tu sais ce qu'il te reste à faire, code Lenko. Voilà. Allez, on écoute Jason Derulo maintenant. C'est Hit Girl sur Fun Radio. Il est 9h22. Bon réveil tout le monde, Mickaël à la radio. C'est jusqu'à 9h30. I've been looking under rocks and... Le son de Jason Derulo à l'instant, c'était It Girl sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous débarquez. Dans un instant, il y aura Lucas, bien sûr. Lucas qui est là comme chaque matin pour le self. Vous choisirez les morceaux que vous voulez écouter avec lui. Vous faites la prog avec lui. Il est là pour ça. Rassurez-vous. Pour les inscriptions, vous pouvez commencer dès maintenant d'ailleurs au 3044. Vous débutez votre message par self et vous demandez les titres que vous voulez. C'est 50 centimes le message. Ou alors, vous faites un petit mail directement. C'est gratuit comme ça directement à Lucas sur sa boîte mail. C'est lucas@funradio.com. BE, nous allons maintenant parler de... Koh-Lanta. Et il est arrivé un drame à Koh-Lanta. GG a été viré purement et simplement de Koh-Lanta. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Ah oui, quand même, oui. Ben c'était oui. Comme GG, quoi. Mais oui, c'est GG, ça. GG, je pensais qu'on allait le traîner pendant des semaines. Ben, je quoi. Pensais aussi. En plus, c'était un peu la mascotte. Ben ouais, en plus, il avait fait des efforts, il a appris à nager et tout, juste pour Koh-Lanta. Ben ouais. Mais malheureusement. GG. Les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer. et leur sentence est irrévocable. Eh oui. Et pour sa dernière, Denis Brognard ne l'a pas épargné avec une dégustation spéciale. Gégé a du mal à mâcher son œil. Cet œil, il veut l'avaler et pour l'instant, il ne passe pas. Et étrange, hein. Ah, étrange que, ah, l'œil, oui, que l'œil ne passe pas, effectivement. Et l'autre Gégé... Il fait malin quand même, le Denis Brognard. Ouais, hein, mais franchement, bien, lui, il a une vie... Ah ouais. Sans déconner, il passe sa vie là-bas là, et tout ce qu'il a, il bouffe, il va dans les hôtels de luxe et tout ça, et pendant qu'il voit les autres en train de galérer, ouais, là. Ouais. Et il critique les autres qui n'arrivent pas à bouffer. Oh, un le œuf, kit, un ça, œuf, ça, ce serait mon kiff de faire une émission de télé comme ça. Oh, voilà. Tu m'étonnes. Je prends-moi signe, avec. Mais direct. Vas-y, on va à trois. Ah bah trois. Grave. Bon, et l'autre GG, donc il a pas aimé que les autres ne finissent pas, évidemment. Quand on est une pambèche, qu'on est pas foutu de bouffer un œil. Faut pas déconner, on a rien à foutre à Koh-Lanta. Bon, on a rien à foutre à Koh-Lanta. C'est pas pour faire un œil. Qu'est-ce que tu fais avec Koh-Lanta ? Mais pourtant, c'est GG qui s'est fait éliminer vendredi. Et c'est vraiment dommage parce qu'il était bien, le GG. Je suis arrivé sur l'île, je me suis mis en symbiose avec la nature. Je me suis pénétré dans cette île. La nuit, je dors presque pas. Je l'écoute, la nature. J'écoute l'ensemble. Ouais, il a des pratiques un peu bizarres quand même. Oui, hein, il est spécial. Parce que bon, quand même, faut quand même aimer se faire pénétrer par la nature. Oui, c'est vrai. Ça doit être quelque chose de très. C'est son plaisir. Oui, oui, bien sûr. Laissons-le prendre bien son sûr, plaisir. Bien sûr. Mais Koh-Lanta, ce n'est pas que des épreuves où il faut repousser ses limites. C'est aussi un moment de philosophie. Ce principe, il est là. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que tu fasses. On pourrait pas qu'on te fasse que ce que les autres n'aimeraient pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas. Ce que tu aimerais pas. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on fasse. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Ah mais ils sont fatigués. Hein. En tout cas, une bonne nouvelle. Avant même la diffusion de la saison 1 des Ch'tis à Ibiza sur Plug RTL, sachez que normalement, la chaîne française qui produit les Ch'tis à Ibiza a commandé une deuxième saison. Ça ne m'étonne pas. Et vu ça... les sons qu'on balance à l'antenne, ça ah ne m'étonne oui. pas. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon, allez, on appelle maintenant... Qui est là pour la petite énigme ce matin? C'est Katia. Bonjour Katia. Oui. Oui, bonjour Katia, 24 ans de Charleroi, 103.5 pour écouter Fun à Charleroi, comment ça va? Ça va très bien, merci, oui. Bah oui, ça va bien aussi, hein. Katia, tu fais quoi dans la vie? Je suis musicienne. Tu es quoi? Musicienne? Oui. Et tu fais du pipeau. Et tu fais quoi comme instrument? La flûte traversière. Ah, c'est pas loin. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je voyais une rockeuse, moi, tu vois, avec la guitare et tout, machin. La flûte. Non. Ok. Non, mais c'est bien aussi la flûte, hein, pourquoi pas, écoute. Bon, Katia, tu as la réponse à la devinette qui colle. Je la répète, du début au bout de l'an, on le garnit de l'histoire de notre vie. Affaires, amour, jours et nuits, tout s'y inscrit précisément. Qui est-il? L'agenda. Mais bien et sûr. Oui, c'est l'agenda, tout simplement, effectivement. Bravo à toi, Katia. Tu repars donc avec soit un écran plat, soit avec les places pour le parc Astérix, soit les places pour aller direction Liège, donc à l'élection de Miss Wallonie ce week-end. Voilà, voilà. Super. Tu gères ça avec le standard. Je te fais des bisous, Katia. Parfait, bisous. À bientôt, Katia. Salut, salut. À bientôt. Allez, ciao. Bon, ben voilà, bonne nouvelle. Tiens, ça s'est plié, ça. Et on appelle aussi pour l'Enco, là, maintenant, là. Allez, allons-y. Allez, on enchaîne tout, là. Parce qu'on est en retard, évidemment. Bah oui. Ah, oui. Je vous rappelle aussi que tout à l'heure, il y aura Evan et la tribu qui reçoit Bastaflex ce soir. Ah, donc, entre 17h et 20h dans la tribu avec Evan et Sandra cette semaine qui gère la tribu avec lui. Voilà. Bon, on appelle qui maintenant? Alors, ah, ça, je sais pas. C'est ma faute, j'ai pas posé sur le bouton. Voilà. Allô? Ça ne sonne pas. Ah, ouais, voilà. Il faut attendre, c'est un peu long. Ah, Mickaël ne sait pas se servir. Ah non, j'ai poussé sur le truc. Oui, bien sûr. T'as qu'à venir le faire, il va faire l'arrière le matin, tu vas voir. Je crois qu'il serait peut-être temps que je prenne ta place. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde attend que ça. Oui, allô, bonjour. Oh, Dieu. Allô, oh non, un répondeur ouais. Encore. Enfin, comment ça se fait? Bon, bonjour, on t'appelait pour l'opération Pimp Your Cot pour refaire à neuf le high-tech de ton appartement ou de ton cot. Malheureusement, tu n'as pas décroché. C'est ce qu'on appelle la lose. Du coup, tu as perdu. La décision est sans appel. Allez, pour le coup, on n'a pas le choix. Bon, on rappelle quelqu'un d'autre? Oui, c'est fait. Allez, c'est parti, on y va, là, on enchaîne. Hein. Bon, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire. Hein, 6322, code Lenco. Allô, bonjour, qui est là? Oui. Bonjour, madame Mandel. C'est quoi ton prénom? Nathalie. Nathalie, bonjour Nathalie, c'est Nathalie Mickaël. Qui sort du lit. Oui, tu sors du lit, Nathalie? Non, pas du tout, je suis au laboratoire en train d'attendre pour faire une prise de sang, mais j'ai une extinction de voix. D'accord, ah oui, ce que j'allais dire, il faut que tu arrêtes de fumer, mais ça va, si c'est l'extinction de voix, ça explique tout ça. Bon, Nathalie, tu t'étais inscrite pour le Pimp Your Cot, pour relooker ton appart ou ton cot. Oui, exactement, je rentre dedans demain. Donc voilà. Dans ton cot ou dans ton appart? Dans Oui, c'est un studio et je rentre dedans demain. D'accord, ok. Alors tu n'auras pas gagné demain. Hein. Tu n'auras pas encore gagné demain. Je dis tu n'auras pas gagné demain, mais sache que quoi qu'il arrive, là tu viens de repartir avec un lecteur MP3, ça c'est fait, c'est plié. Et attention, peut-être que le 3 octobre, dans Mickaël à la radio, dans l'émission, on t'appellera en direct pour te dire que tu as gagné tout le reste, c'est-à-dire. Voilà, radio réveil, écran plat, lecteur DVD, bar son, tour iPod, micro-ondes, mixeur, percolateur, four, friteuse, fer à repasser, aspirateur. J'ai besoin de tout ça. Et pour fêter ça aussi, le tire-bouchon électrique, bien évidemment, quand tu nous inviteras à boire un verre à la maison. Sans problème. Et un bon son, ça sert des verres de musique ou... Exactement. Eh ben, c'est génial. C'est écoute, il n'y a pas de problème. Gros bisous à toi, Nathalie. Merci beaucoup. À bientôt. Et pour les autres, sachez... Bah, salut, Nathalie. Sachez que vous pouvez vous inscrire aussi au 6322 code LENCO. Il y aura un autre tirage tout à l'heure. Ce sera avec l'ami Lucas dans le self. Jasmine à partir de 13h, 17h, c'est Evan et la tribu. Et à partir de 20h, ne ratez pas la libre antenne comme chaque soir sur Fun. Libre antenne avec Vince dès 20h. Passez une bonne journée tout le monde. Bonne journée à toi, bonne journée à Julie. Salut, Mickaël. Et Julie qui va se dorer la pilule aujourd'hui. Quel vol. Oui, si ça pouvait être vrai. Mais quel vol. Ça serait trop bien. Elle va aller se malaxer d'huile. Non, je vais aller travailler, les gars. Je ne suis pas comme vous. Je ne passe pas ma journée à faire du vélo. Et encore du monoeil. Non, par contre, je pense que Toff, il travaille aussi. Pas du tout. Non, il ne faut rien non plus. Ah non, non, d'accord. Ah oui, non, moi, non. Moi, j'invite donc, des stagiaires dans mon bureau. Puis voilà, c'est ça. Je suis donc la seule à travailler ici. Moi, je vais faire un vélo tout à l'heure. Oh, tais-toi, quoi. Allez. Je rêve de faire du sport, mais j'ai pas le temps. Oh oui. Bonne journée, tout le monde. Rendez-vous demain à partir de 6h du mat. Ciao. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar ! Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.